Retro Nouveau. Hey! Yo! J'ai eu le temps de finir mon tweet pour dire qu'on était live suite là en même temps. Malade. Yes. Just in time. Juste à temps. Allez sur Twitter, Papa Cassette dit qu'on est live. Ouais, allez-y là. Suite. Fait que bienvenue à l'épisode 81 de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Oh oui, ça va super. Ça va Jeff? Oui. J'ai les mains dans le gras, lui, là. Les écouteurs, puis on a ramené la musique cet épisode-ci. Oui, oui, en oui. Live vidéo, fait qu'il faut juste que je balance tout ça en début de show, là. C'est nice. Ça, en live pour YouTube, parce que les écouteurs de podcast version YouTube, il n'y avait pas de musique en background. Non, pour les deux derniers épisodes, non, puis parce qu'il fallait qu'on s'adapte, là, qu'on n'a plus le même setting, mais là, ça fonctionne en ce moment. Ouais, c'est ça. J'ai les oreilles à mes oreilles pour vous autres. Tout ça peut avec JF, tout ça peut. C'est cœur, hein, il est capable de tout. C'était cœur, hein? Ce gars-là, il te montre Internet, c'est pas dur. On a Mario aujourd'hui aussi. Eh oui! On t'avait cancellé à derrière. Ouais, finalement, restons chez vous. Non, on avait fait un petit épisode rapide. Ben, pas si rapide que ça. C'était pas rapide. On a essayé. Ouais, fait que. Quand tu m'as écrit, tu vas-tu être fâché si on te cancelle? J'ai vraiment estimé. Je peux tellement répondre n'importe quoi en ce moment. Ouais. Je t'ai dit, je suis à deux doigts de kicker mon port. Ouais, c'est ça. Est-ce que je t'ai dit? Fait que c'est ça, à soir, on change pas la formule vraiment. Parce que, tu sais, on nous annonce tout le temps qu'on change la formule, mais à soir, on va faire moins de critiques. Plus de jasage. Ouais, on va essayer. Parce qu'il nous manque du jasage. Puis aussi, des fois, à la fin, justement, t'as retombé à ça, on zazote parce qu'on est brûlé. Fait qu'on va donner place à ça. Ouais, parce que c'est ça. Quand on a beaucoup de critiques, on est un peu épuisé vers la fin. Ouais, exact. C'est ça. Ou genre, il y en a un qui parle d'un jeu qui intéresse pas vraiment les autres. Fait que les autres. Oui, check les affaires. Ouais, c'est quoi ça? Les jeux de sous-marin. Non, mais aussi, c'est parce qu'on se laisse aller des fois en intro, puis c'est tout à fait agréable. Oui. Je pense que c'est le fun aussi pour les auditeurs à écouter. Tu sais, c'est le fun à nous entendre jaser, là, oui. Dire des affaires. Se mettre dans le bain, la vraie vie. Dans le bain. Fait que là, on va prendre notre bain plus tard. Oui. Ça va devenir une discussion. Fait qu'en intro, on n'a rien à dire. On garde ça pour tantôt. Oui. Sauf qu'on va quand même annoncer des dons, mesdames et messieurs, qu'on a reçus. Tout d'abord, je veux remercier Francis Guimond, que j'ai vu samedi soir. J'étais ici au bar samedi soir. Il m'a donné en personne un beau don. Alors, d'ailleurs, j'ai ça dans mes poches. Excellent. Va falloir que je le mette dans le petit caisse. On verra jamais la couleur de cet argent-là avec au niveau. C'est la première fois qu'il venait, puis c'est un grand fan, mais il nous écoute, puis il a tout écouté nos vieux épisodes. Ouais. Il est à jour là-dedans. Là, fait que, c'est génial, ça. Il était super gentil, là, puis il avait juste des bonnes choses à dire à propos du show. Cool. Donc, merci beaucoup, très apprécié. Et puis... Sinon, on a eu un autre don. Oui, via PayPal. Jean-Marc Bolduc, on le remercie. Un gros don. C'est un gros don. PayPal. Celui-là, il est directement dans la petite caisse déjà. Il n'est pas dans mes poches. La petite caisse de PayPal. C'est ça, exact. Hein. Ouais. Je transférerai dans le fond le vin tantôt. Puis on... Tu feras ça. On va s'acheter des... À moins qu'on l'ait bu, là, mais... Ouais, on va peut-être le boire. C'est ça. On va sûrement le boire, Francis. Merci. Fait que ça donne un bon chose, parfait. Ouais. Merci aussi au Patreon qui nous aide énormément parce que là, on est en train de tout améliorer, show après show. Fait que... T'as pas acheté une affaire, toi, JF? Ça paraît. J'ai acheté un micro à Bruno. Oui. Ah ouais. Bruno va faire des critiques chez eux maintenant. On peut expliquer ça d'ailleurs. Là. Ouais, c'est vrai. Je vais expliquer ça vite. En fait, je joue trop. Puis là, ça commence à créer des problèmes dans la vie de mon entourage. Puis, bon. Hey, t'as pas ça. Non, c'est une joke. Mais en fait, je fais beaucoup de critiques. Puis c'est ça. Puis là, ben, dans le fond, on reçoit beaucoup de codes aussi. Ouais, les gens nous font confiance. Puis il faut critiquer ces jeux-là. Exactement. Puis ça rallonge les shows. C'est ça. C'est ça. Ça rallonge les shows, puis tu sais, des fois, ça serait le fun que ça respire un peu plus, ce show-là. Fait que là, moi, je vais faire des critiques à l'extérieur. Je vais faire ça chez moi, puis ça va être fourni en vidéo sur YouTube. via justement la magie de l'Internet et la magie de Jean-François, bonjour, notre hôte. Et puis... mais c'est ça, mais bref, vous n'allez pas être perdus, ça va être le même principe que le podcast que vous regardez présentement, ça va être la même facture visuelle et tout, sauf qu'on n'ira pas comme des Mongols comme on a fait dans le passé pour se brûler dès les premiers instants. Mais tu vas te filmer? Je me filmerai pas en fait, vous allez juste entendre le doux son de ma chaleureuse voix. Sur YouTube? Ouais. OK. Sur YouTube, tu vas mettre une image de on va voir du gameplay. Ouais, c'est ça. Ah, tu laisses du gameplay du jeu tout le long. Une image de fille tout nu. C'est un gaspillage. Moi, je veux juste que tu aies des views là, c'est t'sais. Une image. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on vous parle de Doom, tu vois un chat qui joue avec une balle pendant 5 minutes. Chat qui utilise gaz panique en arrière, tout le temps. Ah, c'est juste ça. Importe, là, on dit souvent que l'Internet, c'est un marché de niche, mais il y a sûrement une niche pour ça. Il y a sûrement une niche pour ça, ouais, d'avoir du contenu. Non, ça va être des critiques quand même intéressantes, puis des critiques gentilles et sympathiques, puis des fois, ça sera pas le fun. Puis c'est ça, bref, ça va arriver sur notre site, sur retronouveau.ca, et puis on va décider aussi de la forme que c'est vraiment comme tu ferais présentement dans un podcast, je comprends, puis on sort la critique ailleurs. C'est ça, exact. Ouais. Ouais. À date, on a juste trouvé le nom, là, c'est Rétro Nouveau Bruno Solo. Ouais. Dans vos oreilles, très bientôt. Hey, ça pourrait s'appeler Nouveau Reject aussi, pour ceux qui sont pas dans le show. Nouveau Solo, peut-être. Ouais, Nouveau Solo. Ah, nouveau, bien, nouveau. Ça. Ouais, nouveau, nouveau. Nouveau, nouveau. Ouais, toi, t'avais pitché ça l'autre fois, nouveau, ouais, nouveau. Mais là, on voulait pas changer de nom encore des affaires, puis créer des tumultes. Puis d'un coup, après deux semaines, ça marche plus. C'est ça, ce projet-là. On exact. Même si l'été arrive, on se remet en question. Là, il faut pas cette année. Là, ouais, c'est ça. C'est ça, j'avais pointé ça. Là, ouais. Moi, c'est l'émotif. J'ai un Dorito dans l'œil. Son craquant. Non, c'est ça, j'avais dit au gars, en fait, on se remet tout le temps en question dans le show, à peu près à cette période-ci de l'année, c'est juste un peu avant les vacances, on fait comme, hey, je check ça, là. On pourrait peut-être faire ça, là, finalement. Ça, avec un mélange d'optimisme du temps libre que tu vas avoir, on va faire une affaire, ça prend pas beaucoup de temps, on capture avec nos PS4, on envoie ça quelque part, ensuite on fait un mix. Ouais, c'est super bon, finalement, ça va marcher. 27 heures plus tard, tu sais, 30 secondes. En tabarnak, calice, samedi soir. Mais c'était arrivé, ça, quand on faisait nos trucs nous-mêmes, tu sais, puis... Tellement. J'étais entouré d'une gang de gars là, qui ont beaucoup de talent, genre de graphiste, tu sais, puis pas moi, tu sais, fait que là, ben fais ton stock visuel tout ça. Je suis comme, tabarnouche, tu sais, j'étais dans peintre, je faisais des affaires. Ah ouais, pour être au niveau TV, les ouais, capsules rapides. Non, mais ça avait du charme, mon gars. Ah oui, les capsules que tu faisais, ouais, là, comment ça s'appelait, donc? Eh bien, tout, entre autres, les critiques que, 10 secondes. Mais non, ça, c'était pas moi, ça, c'était le talent. Non, saviez-vous que ça, c'était moi. Non, mais toi, t'as eu une ou deux... C'est les 10 secondes, les critiques en 10 secondes. Les 10 secondes. Non, mais il y a eu une affaire Nick, longue, là. Je parlais de l'industrie, mais je m'en avais... Ouais, c'est ça, ça, saviez-vous que... Ouais, ça, c'était bon, c'était bien fait. C'était long. Trouver du visuel pour chacune de tes phrases pendant deux minutes. Je parlais de mes 10 secondes. Hey, j'ai fait ça une fois, je capote. Ouais. À un moment donné, tu sais plus quoi mettre. T'es là, ouais, mettre un chat qui joue avec une balle. Ouais, une fille. On aurait pu le faire. Là, fait que, à un moment donné, il y avait. Ouais, je pense qu'il y avait. Ouais, mais ta critique, 10 secondes, ouais, ça genre, c'était zombies, je me souviens plus trop quoi. Counter-Strike Zombies. 12 heures, la fin de même, tu sais. C'était. Ça valait pas la peine, finalement. Non, mais tu sais, j'ai essayé des outils, j'ai dit... Hey, pourrais pas dire qu'on n'est pas des passionnés. J'ai fait Photoshop, j'ai dit, je comprends rien à l'interface. On retourne dans Paint, essaie des affaires. Oh, il y avait le stress, la pression. Oui, c'est ça, tu sais, il y a Bruno qui textait incessamment. Hey, où ta critique, man? En tout cas, là, non, ouais, c'est ça, pour l'instant, ces, nouvelle approche. Ces beaux cauchemars-là sont partis. Mais ils sont encore c'est... sur notre site web. Oui, oui. Ah oui, c'est ça. Tout est dans l'archive. En haut de 250 vidéos, je pense, notre YouTube en ce moment. Exact. Allez voir toutes ces heures de travail gaspillées. Mais oui. Ah, dur la barre. Bien investi, bien investi. Vous avez un samedi soir. Ils sont rémunérés pour pas mal moins d'ouvrages. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Vous avez un samedi soir de libre, un six-pack. Allez voir nos archives. Ouais, c'est clair. Plaisir garanti. Surtout les historiques, là. Les historiques qu'on faisait, ouais, moi je pense que c'est l'affaire qui me manque le plus. Je trouve ça tellement drôle. Moi j'ai jamais l'écouté en fait. C'était tellement drôle là. Je vais retourner voir ça. Ça, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Allez écouter les Rétro Nouveau TV. Plein de disraille là-dedans. Ah, surtout quand tu fais dire à Miyamoto, là, vraiment rapidement, là. Mais j'aime mieux. Mais j'aime mieux l'écouter de passe quand même. Sois vite. C'était drôle. En tout cas, okay. Ouais. Trêve d'inside. Oui, oui. On va. La boutique. Ah oui. Les t-shirts noirs et t-shirts blancs sont maintenant disponibles. J'avais dit au dernier épisode, j'ai racheté les logos noirs et blancs. Fait que sur fond noir et fond blanc aussi. Garochez-vous là-dessus. À la demande. Et voilà. Il y a des ventes tout le temps là, pour les fichiers. Oui, hein, exact. Free shipping. Puis à cette heure, on a même des serviettes. Christ. Des serviettes de plage, des serviettes de main. Tu t'essuies les organes génitaux. Rétro nouveau. T'essuies ce rétro nouveau. C'est fun. Non, mais tu sais que tu vas avoir du gros sexe, tu sais. Puis tu veux pas vraiment salir ton couvre-lit, tu sais. Tu mets une petite serviette. Petite serviette rétro nouveau, man. En dessous de ta douillette Arcade Montréal. Ah oui, exact. C'est que c'est hot. Et d'ailleurs, avec un t-shirt la soirée du podcast. Déchiré. Ben, ta blonde, juste avec un t-shirt la soirée du podcast. C'est un chandail de sport. Tu vas prendre ta douche avec un rideau de douche de RZO. Ouais. Ben oui. Fait que tu sais, les gars, moi, on avait parlé d'un nouveau concept avec nos faces sur une serviette, mais là, je veux plus vraiment que ça arrive, cette affaire-là. Je pense qu'on ça devrait canceller ça. Ben oui. Juste des petites serviettes, là. Des serviettes à main. Fait que ça, c'est yadisex.com/young. Tout est là-dessus. Tout est là. All right. Tout. En haut de notre Facebook aussi, Shop Now. Le aussi, monde. Oui. Depuis 2011. Sur le Facebook d'Arcade Montréal aussi, Shop Now. Ouais, tout est partout. Tu peux te commander les t-shirts quand c'était en spécial. Fait que j'ai reçu l'édition depuis 2012. Mario, dans le crew, il a même pas les bonnes affaires. Mario a l'édition 2012. Mario, il a le rare, là. Ouais, c'est ça, mais dans un monde, dans un monde de collecteurs, ça vaut une fortune. Ouais. C'est ça qui est hot. Lave-les jamais, tu sais. T'as aussi l'ancien t-shirt de l'Arcade Montréal que tu mets ici des fois pour travailler. Fait que ouais, ça fait c'est comme, vrai. Mais Jean-Luc est frustrant avec sa calotte d'Arcade Montréal, super méga cool. Il y en a juste une. Noir sur noir? Oui. Ouais, lui, il y en a une noir sur noir. Après ça, il y en a une rouge aussi que j'ai vue. Hey, vous autres, vos c'était collectors des tests, edition. On fait des collectors. Fait que c'est ça. Fait qu'on part en critique. On part le show. Puis là, c'est Nick qui commence. C'est pas, il me semble que tu commences pas souvent. Ouais, c'est vrai, je ouais, commence ben pas c'est souvent. Pour ça que tu commences à soir. Ouais. Bon, super. Puis j'ai hâte en tabarnak de voir ça, man. Ouais. Brise la glace. Sérieux. Ben, let's go, les gars. Ça nous intéresse. En tabarnak de Chris, man. C'est ça. OK. Moi, je vais vous parler, en fait, de Monopoly Killer... Live. Ouais. Light. Monopoly Bob l'éponge au Game Boy Advance. Monopoly Light. Juste il y a juste la moitié des tableaux. Si tu veux acheter Place de la Promenade, c'est 3 piastres. Pour des jetons. Exact. Oh, c'est ça, tu peux juste jouer, tu sais, comme le chien. La brouette. La botte. C'est la botte. Non, la botte, moi, je paierais la botte. Ah, toi, tu prenais la botte. Tu prenais la botte? Moi, je prenais le char. C'est cool. Le char était tellement classe. Ouais, j'avoue. Hein. En tout cas, fait que c'est pas ça que je parle, tout le monde. Killer Instinct, saison 3. Pour ceux qui sont pas au courant, en fait, en 2013, ils ont commencé à parler du Killer Instinct qui est sorti. Puis 2014, sur Xbox One, Xbox One et PC. One. Fait que moi j'ai testé en PC en fait. Oh. Et donc faut comprendre c'est que c'est un free to play. Ils ont un petit peu changé la formule. Grosso modo, tu peux jouer, tous les modes sont débarrés, mais t'as juste un personnage par semaine. Dire. Ouais, c'est ça, c'est un free to play, mais c'est pas vraiment un free to play. Ben, si tu veux, puis t'es bien patient, ben, tu vas jouer ton personnage toute la semaine, tu sais. Ouais, c'est fait ça. Que, mais par contre, donc c'est ça, saison 3, c'est quoi? C'est un bundle, il donne un nombre X de personnages, mais c'est aussi comme les season pass en tant que tel. Mm-hmm. Fait que grosso modo, ça vaut à peu près 20$ cette season pass-là. T'as-tu besoin des deux premières saisons pour avoir la saison 3? Ou tu peux juste activer la saison 3 et... avoir juste les personnages de la saison 3. Check-moi, non, non, en fait, tu peux avoir juste les personnages de la saison 3. Okay. C'est que de base, là, t'as aucun personnage dans ce jeu-là. Mm. Puis la saison 3, ça donne tous les personnages de la saison 3. Par contre, c'est ça, la saison 1 et la saison 2, il faut que tu les achètes séparément. Je pense qu'un bundle de luxe là, que tu peux payer, là, c'est 40 ou 60$. Mais moi, j'avais vraiment juste les personnages de la saison 3. Comment ça dure, excuse, quand tu payes, mettons, 20$? Quand tu payes 20$, c'est pas que ça dure, c'est que tu as les personnages disponibles pour la saison actuelle. Une saison 3 seulement. Un an? Non, c'est pour toujours. Ah, non. Okay. C'est juste qu'ils sont sortis, genre, pendant ce temps-là. T'sais, tout de suite, on voit Rash à l'écran, en fait. C'est ça que je voulais dire. Moi, ça me fait capoter, man. Fait que, tu sais, Rare, ils ont pigé dans leur dans Nostalgie, si on veut, puis ils ont été chercher Rash et Battletoad. Chris! Lui, il fait partie de la saison 3. C'est-tu assez beau, man? Ouais, tout à fait. Il est vraiment cool, tu sais. Je pense qu'il a fait un beau passage vers la modernité. Tellement, tu sais, là-dedans, ils ont aussi ramené Kim Woo, Tusk. Puis ça, c'était des personnages qui ont été présents dans d'autres. Tusk était dans Golden. En version Gold, il me semble. Ouais, mais t'as-tu, Nick, de l'annonce de ça, quand il y avait eu justement. Il y avait eu le boss de Xbox, justement, je me suis dit, j'ai un blanc. Phil Spector. Ouais. Phil Spector est arrivé avec un chandail de Battletoads, puis là tout le monde est comme hype. Non, le hype train était parti. Ah, ouais. Tout le monde se disait il y a un nouveau Battletoads, il y a un nouveau Battletoads. Puis là, il avait lâché des teases que ouais, il y aurait Battletoads dans le 3 Battletoads. Ah ouais. Fait que là, le monde se disait que si y a un nouveau Battletoads, ça va être malade. Ils ont fait l'annonce, c'est juste un DLC dans le DLC. Ouais, mais c'est ça, il fait partie de la saison 3, c'est juste un personnage en fait. Pourquoi tout donner pas là, fait que... Mais probablement qu'à saison 4, peut-être qu'on va le voir. Heureux. Moi, j'espère qu'ils vont amener aussi le bateau de Cobra Triangle comme combattant. Ça fait... C'est ce que Rare a fait, tu sais. Ouais, c'est des spins. Non, c'est ça. Ben, écoute, peut-être, on sait pas. Mais ça, pour revenir au jeu, il y a aussi le Arbiter, qui est un des méchants dans la série Halo. En fait, si vous êtes familier avec ça. Ah ouais. Puis une nouvelle personne là, qui s'appelle Mira, qui est juste une femme vampire, si on veut. Elle, c'est un personnage vraiment intéressant parce que, écoute, c'est comme une vampire, puis elle peut jouer en prenant de son HP pour infliger plus de dommages, tu sais. Okay. C'est vraiment une belle dynamique, une nouvelle twist pour les jeux de combat. On n'est pas super habitué à ces affaires-là. Fait que, grosso modo, c'est ça. Juste pour parler un petit peu de c'est quoi la série. Si vous n'avez jamais joué à Killer Instinct, là, c'est vraiment un mishmash à l'époque entre Mortal Kombat puis Street Fighter avec des combos quasiment infinis. C'est 6 boutons. C'est un jeu de combos. Exact. C'est 6 boutons comme Street Fighter. Pourtant, il y a une énorme violence, vraiment très semblable à Mortal Kombat. Ça, dans le temps, ils voulaient vraiment être les graphiques plus réalistes. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Haute définition. Puis t'as beaucoup de possibilités de faire des combos. T'sais. Ça n'a pas changé. Puis ils ont encore joué la carte de mettre des graphismes qui sont... Moi, j'ai joué PC, tu sais, ils sont vraiment excellents. C'est très, très beau. Tu sais, c'est... Les personnages sont bien faits dans celui-là. Ils sont très bien faits, tu sais. Moi, je regarde Jago et Thunder, mettons. Là. Ouais. Ils sont crissement plus badass que dans le temps. Ils sont là. Vraiment hot, tu sais. Ils ont refait Glacius, un petit peu moins à mon goût que le classique, mais au moins, c'est une évolution. Fulgar est à peu près pareil, tu sais. Ça, c'est correct. Cinder est là. Toute la gang est là. Saberwolf. Tout... Les classiques sont revenus dans TJ Combo, un grand favori. Ouais, un favori. Fait que, tu sais, ils sont tous là, dans saison 1-2, puis là, ils commencent à utiliser, tu sais, justement, tu sais, Tusk, c'était pas un grand favori, là. Ouais. Ils le ramènent, ils commencent à gratter, je te dirais, pour pogner les personnages. Mais heureusement, il y a le gars de Battletoad, Rash, tu sais. Puis Mira, ce nouveau personnage-là, est vraiment intéressant. Fait que là. Mais ça, c'est-tu la fille qui ressemble au film Ju-On? Elle ressemble. Je sais pas, c'est. Parce qu'il y en a une, justement, qui a les cheveux d'en face. Non, ça, c'est saison 2. Creepy, je pense que c'est. Ça, c'est saison 2. Ouais, Aiko ou Eiko. Elle est. Ouais, elle est très cool, mais ça, c'est saison 2. OK. Saison 3, elle ressemble à Bayonetta, en fait, si on parle de Mira, là, la vampire. Là, c'est un petit look semblable. OK. Comme j'ai dit, 6 boutons. Là-dedans, t'as 2 barres d'énergie, en fait. Tu sais, quand tu finis ton premier round, dans le fond, là, tu utilises ta deuxième barre d'énergie. Okay. Tu pourrais tuer quelqu'un de ta première barre d'énergie. Fait que dans le fond, ça fait juste dire, OK, t'es à peu près à moitié. Ils ont rajouté des shadow combos. Si vous êtes familier avec Street Fighter, c'est un peu comme les EX. Là, t'as une barre en bas. Puis ça te permet de faire des moves, des super moves, mais avec une espèce de trace mauve là, de lumière, tu sais, okay. Qui fait que c'est une propriété spéciale. Tu sais, Battletoad. Dans le jeu, vraiment le fun, un petit peu plus facile que les autres personnages à jouer. Je pense qu'ils ont pensé au old school gamer. Ouais, il est vraiment, vraiment plus facile d'approche. Ils ont ramené les fameux Combo Breaker. Ben oui. Parce que là, c'était comme. Ils ont déjà arrêté de faire ça. La marque de commerce, ça va très vite. Combo marque de commerce, mais maintenant, il y a des Counter Breaker. Fait que tu peux faire des genres de. tu sais, quand le monde... Ça fait... Ouais, c'est ça, tu pètes le gars, ça fait genre non, tu peux pas l'utiliser. Puis si tu fais des breakers au mauvais moment, ben tu pourras pas en faire pendant une période de temps X, tu sais. Puis le système de combo, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que il te fait sentir bon, tu sais. C'est assez simple, là. Tu peux faire des gros combos là, de 32 hits très facilement. Tu as besoin d'un move qui est comme un opener. Ça peut être un jump-in ou un super move. Ouais. Ensuite, tu fais des auto-combos. Tu smashes le piton, là, puis là, ça va faire 3-4 hits. Après ça, tu vas faire un genre de connecteur. Puis à la fin, ils ont rajouté une petite twist. C'est que va falloir que tu fasses un move, un ender move pour le terminer. Parce que pour finir un combo, il y a un petit jauge là, de nombre de hits que tu peux faire. C'est comme un petit jauge. Puis quand tu arrives au bout, tu vas maximiser ton potentiel. Tu vas aller chercher une coche de dommages de plus. Si tu fais pas le ender, ben tu l'auras pas cette affaire-là. J'ai trouvé que c'était un petit peu plus évolué que l'ancien, en fait, jeu. T'sais, ils ont ramené les ultras, les épisodes de finisher. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est aussi cheesy que dans le temps. Ah, c'est ça qu'il faut. À chaque fois que tu fais un combo, là, ils ont enregistré des affaires genre ludicrous, crazy, là, wow, quadro, ou des affaires de même. Puis avec la grosse voix, ultra cheesy. Je pense que, si on peut dire, Killer Instinct, c'est comme écouter, mettons, un film de Jason Statham après Snatch, tu sais. Ouais. Tu te dis, ouais. Tu sais que ça va être cheesy, mais ça va être quand même bon. Je pense que je vais passer du temps là-dedans. C'est comme un plaisir coupable, je dis. Ben oui. Et en même temps, t'écoutes Killer Cuts, là, le CD qui venait de Super Nintendo. La musique super cheesy. Mais la musique est encore genre un peu industrielle, mais cheap, tu sais. C'est vraiment du gros rock pesant, mais tu sais... Ça représente les années 90. Exact, quand même. Eux, ils ont vraiment. 90, totalement. Ils n'ont pas comme évolué, mais c'est correct. Ça marche bien. T'sais, tu joues à ça. Comme j'ai dit, c'est un plaisir coupable. En ligne, je pensais me faire détruire. Le matchmaking est bien fait. Tu peux dire que tu peux jouer juste avec des newbies. Ça, c'était. T'es classé en fonction de tes compétences. Ouais. Là. Fait que c'est le fun. J'ai eu une belle expérience. Les gens sont correctement forts, là, mais tu sais, quand vous commencez, vous pouvez quand même essayer d'avoir des adversaires qui ne savent pas jouer. Et comme c'est un free-to-play, il y a un paquet de nouveaux joueurs qui arrivent tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, un beau jeu, je dirais, honnêtement, là. Moi, je trouve que la série Killer Instinct, ça vit tout seul, tu sais. Ouais. Comme, je trouve qu'il y a quatre styles de combat dans les jeux de combat, à peu près. Hein. Street Fighter, Mortal, Killer Instinct, puis on va dire Tekken. Ouais. Puis Tekken, ça grab Soul Calibur, puis je pense Dead or Alive, puis tout ce gang-là. Plateforme 3D, c'est de la façon que tu joues, tu sais. Ouais. Mais Killer Instinct, il est tout seul un peu dans sa gang aussi. C'est tout à fait. De y a juste pas combo. La... Il y a pas un même peu de Mortal, là, mais c'est pas... Il y a du Street Fighter Ring si tu veux jumper, Dragon Kick, Jambette, mais c'est pas efficace. Ben non, c'est ça. C'est vraiment, t'as raison, c'était des systèmes de combo qu'eux, ils ont mis en place. C'est leur marque de commerce. Ils font bien. Puis tu sais, comme j'ai dit, c'est un guilty pleasure. C'est pas la finesse. T'as pas des footsies de malade comme à Street Fighter, tu sais. C'est pas des combos difficiles à exécuter comme, mettons, Mortal Kombat. C'est vraiment juste... Tu commences, tu apprends la base, puis tu peux faire des gros combos qui ont l'air. Ça serait quasiment comme le meilleur jeu de combat pour des newbies. Ah, pas nécessairement, non. À cause que, à un moment donné, quand t'es pris dans une chaîne, il faut que t'apprennes les breakers, puis tout. Ouais, mais je veux dire, si tu veux te sentir bon comme gamer, puis dire, hey man, je suis capable de faire des combos de la mort, ce jeu-là, il peut être intéressant. Moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est l'approche, ben, essaye-les, il est gratuit. T'as un personnage, tu vas jouer avec. Tous les modes sont débloqués d'ailleurs. Ouais. Il y a des modes de single player. La campagne est moyenne, mais c'est pas si grave que ça. Mm-hmm. Le tutoriel est excellent. Si vous jouez à ça, il faut absolument le faire. Okay. Mais tout ce que je peux dire, c'est essayez-le, c'est gratuit. Puis moi, j'ai été vraiment agréablement surpris. Je m'attendais à quelque chose de moyen. Ils ont ramené une vieille franchise pour faire du cash. Mais oui. Parce que c'est ça le but, mais en même temps ça a été bien fait, que moi je dirais, je vous le recommande. Si vous aimez les jeux de combat, allez-y. Pour toutes ces raisons, je donne la note de 4/5. Alors allez-y, puis en free to play, vous achetez un personnage, c'est peut-être 5$, puis vous voulez TJ combo, puis juste faire ça tout le long, allez-y de même. Achetez toutes les parts si vous voulez, fait que c'est assez flexible comme offre, mais vraiment là, belle surprise. Fait que good job Rare, et ainsi que 60 autres studios qui ont travaillé là-dessus. C'est comme Double Helix Game, Iron Galaxy Studio, Rare puis Microsoft Studio. Fait que good job les boys. Double Helix, ça me dit quelque chose un peu, ça. Oui. C'est à cause des Helix. Ils ont été achetés, je pense, par Amazon récemment, il me semble. Il me semble que c'est ça, ils ont été achetés par Amazon récemment. Ok. En tout cas. Ah ouais, j'ai des stocks de Amazon, moi, puis ils ont droppé. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de, c'est cool, qu'ils rajoutent comme des personnages comme Battletoads et tout ça, mais est-ce que tu penses que s'ils continuent à faire ça avec toute leur franchise, est-ce que ça peut dénaturer un peu l'univers du jeu de Killer Instinct? Je dirais qu'à date, non, tu sais, parce que l'univers de Killer Instinct est pas super sérieux, tu sais, genre... je dirais la ligne narrative, tu sais, elle est lousse, là, tu sais, le monde vient un peu partout dans le temps anyway, c'est un squelette, tu sais, puis mais check Mortal Kombat, là, il en rajoute du monde en tabarnak. Ouais, mais effectivement, ouais. Justement, selon ça moi, dénature un peu. Selon moi, Mortal Kombat, ils ont ça franchi la ligne là, où ça a plus rapport. Ouais. Leatherface, ouais. Jason à la limite, je trouvais que ça a pas rapport, mais dans Killer Instinct, étant donné que c'était déjà un amalgame de robots, de gars vikings de l'ancien temps, ouais, de boxeurs, c'est déjà tellement large. Je vais te dire, c'est un peu comme un League of Legends. Un autre champion là, de... a essayé de faire ouais. totalement échoué. Ouais. ouais, c'est ça. Il y a des cas qui ont bien moins réussi. Mais à date, je pense que ça va bien. Ils n'ont pas encore poussé trop tard. Ce que je pense que je m'inquiète pour eux, c'est la saison 4. Mm-hmm. Étant donné que tous leurs gros canons de Killer Instinct, mettons les personnages qu'on connaît, sont comme sortis. Il va leur rester d'emprunter dans les autres franchises. Il crée des nouveaux personnages. Ouais, ou des créer des nouveaux personnages, ouais. Ça, c'est gagnant. Mais les gens sont là. Toujours un peu résistants, tu sais. Là, la nouvelle personne, Mira, est vraiment cool, là, mais tu sais, les joueurs, en général, ils sont hardcore. Ils ont joué toute leur vie avec TJ Combo, tu sais. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est comme un peu difficile à introduire. Fait que c'est ça que je me demande comment leur saison 4 va aller. Mais la saison 3, bon choix, bien fait. Puis allez-y. Cool. Peut-être introduire, je sais pas si c'est déjà là, peut-être des customisations des personnages. Il y en a en fait, mais c'est pas. C'est comme genre un chapeau, des gants, puis des espèces de tibias. Ouais, j'ai pas vraiment joué avec ça, tu sais. un moment donné, ouais, c'est ça. Là. un moment donné, ça, j'ai vraiment pas exploré ce mode-là, mais ils vont faire ça un petit peu. Mais tu sais, ouais. Il y a des limites à ce que tu peux faire avec ça. Je pense que vraiment, là, la prochaine saison, saison 4. Elle va définir, tu sais, est-ce qu'ils vont être capables de mettons, je dirais, milquer la carpe en bon français pour acheter. Mais même à ça, si vous achetez l'offre actuelle complète, vous allez avoir un très bon nombre de personnages puis une belle offre. Là, fait que, c'est un jeu qui vaut la peine. Il va sûrement en vivre là aussi. Présentement, il y a même une scène compétitive. Fait que, ben, sur One, c'est vraiment un des jeux les plus achetés. Ouais, mais tu sais, c'est ça, ils n'ont pas Street Fighter. Ouais, fait, exact. Les gens vont compenser avec ça. Ouais. Totalement. Mais en tout cas, beau jeu. Fait que je vais enchaîner avec un petit jeu de NES que j'ai acheté dernièrement. Il était sur ma liste, là, mais tu sais, sur ma liste relax. Là, okay. Je vais tomber dessus un moment donné. Pardon, finalement, j'ai trouvé. Pour 30$, j'ai acheté Toki. Toki, c'est un petit singe. C'est un jeu d'arcade, ça, à l'origine. c'est un jeu d'arcade qu'il y a eu au Genesis, au NES. Et puis, c'est écrit à l'écran. Là, Arcade Business. Amiga, Arcade Commodore, Atari Lynx même. Et puis, j'ai vu qu'ils l'ont refait. Ils viennent de le refaire sur iOS. Puis, ça a l'air quand même pas mal propre comme version iOS. Ah, bah, c'est un platformer. C'est un platformer de tir. Parce que ton singe, qui est en fait un genre d'homme des cavernes, là, bien sûr qu'il y avait une jolie amoureuse qui s'est fait enlever par un méchant. Et là, le méchant, il transforme en singe. OK. Chris. Pis là, t'es un singe, mais qui crache. Tu craches des affaires. fait que, tu sais, c'est comme un shooter. C'est quasiment comme un run and gun. Mais c'est pas assez rapide, là. C'est pas contre, mais c'est un platformer de run and pee shoot. Ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est que non seulement il y a une des pochettes les moins attirantes de l'industrie du jeu, puis quand quelqu'un te le décrit, ah ouais, un singe qui crache. Ouais. C'est ça le jeu. Ouais, tu sais, ça, là, tu dis, ça te tente. Wow, tu sais, c'est que. Mais parle-moi de ça. C'est fucké, man. C'est fucké en tabarnak. Ben, premièrement, moi, j'ai joué à la version NES. Donc, ça a été publié par. Ouais. Regardez à l'écran présentement. Ben, écoute, on va parler de ça tout de suite. Le graphisme est vraiment laid, là. Faut se le dire, la shape du personnage, t'sais, sa position, il est comme bossu là, t'sais, il est un peu, c'est un peu. Mais le jeu d'arcade il est fait de même. Comme la version NES est assez fidèle. Ça a l'air d'un jeu d'arcade, tu trouves? Oui, totalement. Ouais, ça c'est dans les platformers d'arcade là, un peu comme Willow, Rygar, t'sais. Moi, je comprends pas des platformers à l'arcade de toute façon. Je trouve que c'est un mauvais style de jeu à faire comme platformer, comme jeu d'arcade. Ouais. Mais il y en a plein, puis Toki en est un. Puis c'est ça, donc. Ça a été publié par Taito au NES. Ah ouais. Puis moi, en voyant ça, je me dis « Oh, late release de NES, Taito, ça vaut une fortune et tout ça, ça va prendre bien de la valeur. » Mais pas tant que ça. Taito ont sorti des jeux au NES de 87 à 94. À 87, on pense là des affaires comme Arkanoid. Puis ça, c'est sorti en 91. Puis en 92, je te dirais que c'est là les gros canons, là, comme Little Samson, Panic Restaurant. Ouais. En 93, Bubble 2. Ouais. Puis en 94, le Flintstones, Surprise I Dinosaur ah, oui. Speaks. Qui vaut. Tous ces jeux-là, tous ces jeux de 92 à 94, ils valent super cher. Toki, il est juste avant. Mais il vaut quand même plus cher que, tu sais, il vaut 30$. Puis je pense qu'il va monter un petit peu pareil. Parce que le gameplay, il est bon. Ouais. C'est quand même, c'est pas super rapide. Chris, mais tu peux même cracher à l'horizontale, pas à l'horizontale, à la perpendiculaire. Oui, oui. Puis tu peux sauter et cracher par en bas. Tu tires ouais. dans toutes les fucking directions. Tu tires penché, c'est fort, tu tires ça. Partout. C'est super bien fait à ce niveau-là. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Il y a tellement de platformers au NES qui sont pas flexibles à ce niveau-là. Ouais. Puis ça, ça marche. Tu tires ouais, partout ce que tu veux, n'importe quand. Puis tu peux aussi sauter, comme on voit présentement, sur la tête des ennemis pour les tuer. Donc, une façon de plus de tuer le monde, c'est toujours bien apprécié. Ben oui. Peux-tu updater ton crachat, genre? Ouais, t'as des power-ups. T'as, là, t'as un petit crachat normal, comme on voit présentement. On dirait des noix. Moi, je dis que c'est des noix. Genre, des pépins de fruits. C'est des dirais. Pépins. Tu peux avoir des genres de balles de feu. Tu peux pogner un casque de football aussi, c'est une invincibilité, ça. Je pense des souliers pour marcher plus vite. Mais tous ces power-ups-là, ils durent pas longtemps. Okay. Ils ont une durée. C'est ça qui est okay. un petit peu okay. dommage. Quand t'es bien équipé de crachat, ouais. tu dis « Yes, man, je vais buter ce boss-là. » Mais tu vois, ça, c'est sûrement un héritage de l'arcade. Ouais, c'est ça. Ils voulaient pas que tu sois trop puissant trop longtemps. Totalement, exact. Totalement raison à ce niveau-là. Et puis, là, ah, tu vois... C'est ça quand on voit la map d'avance. Ils montrent la map entre les niveaux puis au début de l'histoire. Fait que ça fait un peu Ghosts and Goblins. Là. Ouais. Au moins, ils te la montrent pas à chaque fois que tu meurs. Donc, c'est déjà ça. Puis, c'est ça, les niveaux, comme on voit présentement, tu sais, ça... C'est pas juste de gauche à droite. Ça monte par en haut, un petit peu en diagonale, un peu ouais. dans tous les sens. Il y a un niveau en dessous de l'eau. D'ailleurs, il y a une couple de sections en dessous de l'eau. Il y a une section sur rail. Tu sais, t'as un petit wagon de mine, là. OK, oui, oui. T'as un petit bout de tout ça. Donc, tu sais, ils ont mis des petites affaires, là. Ah, même. C'est pas juste tout le temps pareil. Et puis, bon, la musique est vraiment à chier. C'est ça qui m'a plus frappé quand j'ai mis la cassette dans le jeu. C'est la... T'as une toune pour tout le jeu, puis c'est la même toune que quand je pars la cassette. C'est pas musical, tu sais, c'est comme saccadé, sec, là. Ça a pas de profondeur. Il y a pas d'amour là-dedans. Non, c'est comme genre... C'est froid, là. C'est vraiment pas le fun, là. C'est bien dommage. C'est le même gars qui a fait la pochette. Il a fait la envoyé musique. Un mauvais fichier, il manque des bouts. Il a fait la musique, les mais graphiques, puis la pochette. Il a juste pas touché au gameplay. Mais tu sais, s'il y avait eu une petite musique là, entraînante comme Adventure Island, là, ouais, ça aurait ouais. été comme Chris 50% ben oui. plus attrayant comme jeu. Puis, parce que là, sans son, là, il me donne le goût. Oui, oui, non, je te le dis, il est super le fun ouais. à jouer. Moi, j'ai été bien content de ça parce que quand j'ai mis ça dans le NES, j'ai dit, oh my god, non, ça va être plein. Non! Mais le gameplay, il sauve la mise, là, totalement. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait une pochette de merde, pour justement baisser tes attentes. Là, tu joues, mon gars, ben oui! Puis ça a vraiment marché. Game of the Year! Les boss, ils sont très faciles aussi. Game of the Year 91. 91. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre sorti dans cette année-là. Mais c'est pas un Super NES, 91? Ça doit, ouais. Ouais, mais il y avait plein de monde qui l'avait pas, qui ouais. était pas capable de se la payer. Fait que Toki, tu sais, ouais, à Noël. M'a mettre ben... un 100 sur Toki. Non, mais t'es heureux, pareil, quand t'es jeune, puis d'avoir ça, qu'on peut avoir bien meilleur que fucking... Yeah, j'aime ça, les Ghostbusters, tu vois, ça, c'est de la merde. Ah ouais. Là, t'es comme, ah, Toki, maman, oh. come on, je voulais Ghostbusters, là, tu vois, Toki, bah, c'est bon. C'est un goût acquis, le Ghostbusters. Ouais, je sais, je suis beaucoup à la tête. À un moment donné, on devient bon. Je pense que le pire, c'est X-Men. T'es comme, yes, X-Men. Ah ouais, c'est comme... un jeu de LGN. Mais là, c'est Taito, c'est quand même la synonyme de bon jeu. Oui, c'est un gage de qualité. Exact, totalement. Donc, mais c'est ça, comme c'est sec un peu visuellement, comme Bubble peut l'être, là, tu sais, ouais. des fonds noirs, des fonds bleus, tu sais, pas de crémage nulle part, ouais. là, tu sais, sec, mais efficace, ouais, c'est ça. C'est un jeu de comptable, c'est vraiment un jeu de comptable. On le met noir, on le met bleu. Et puis, c'est un jeu très facile aussi, ouais. là, on va se le dire, je pense que j'ai fait ça en 20 minutes, là, il n'y a aucun ouais. challenge là-dedans. Là. Surtout quand t'as un crachat spread. Oh oui! Hey, spread là, crachat, ça doit être ben, facile, ben, mon gars, le monde n'a aucune. Je mords un peu avec le petit wagon à la fin, là, mais tu sais, c'est rien. Les boss sont super faciles. Ouais. Tout est facile. Tu redeviens-tu un homme? Ouais, tu redeviens un homme. OK. Puis tu ramasses ta chicks, man. Puis tu retournes dans ta caverne. Puis jusqu'au prochain problème. Ah oui? Tu sais, les hommes des cavernes-là sont pleins de problèmes. Parce que Toki 2. Non, il n'y en a jamais eu. Il n'est jamais arrivé. Mais je pense que c'est un jeu, une franchise, pas une franchise, là, mais c'est un jeu qui est respecté, tu sais. Ouais. Comme dans quand même, là, dans le monde des arcades et tout ça. Puis il y a eu des ports, puis ça a été refait sur iOS. Et là, au Genesis, d'ailleurs, la version Genesis, j'ai écouté un peu YouTube, je ne l'ai pas joué, mais est vraiment, vraiment, vraiment riche musicalement. Ouais. Tu sais, la base, là. Okay. Tu sais, un arcade, c'est... Ouais. Une Genesis, fait un peu pareil, mais tu sais, comme... 4 couches de layers de musique de plus, là. Fait que c'était très charnu musicalement. J'ai trouvé ça magnifique. Par contre, les niveaux semblent être bien différents. Il y a des boss qui sont pas pareils. Ah ouais. Fait que, ils l'ont amené ailleurs. Mais ça a l'air bien. C'est un jeu qui est sorti très tôt au début de la vie de la Genesis. Okay. Mais je pense que ça vaudrait la peine de l'essayer. Okay. Et puis, c'est pas mal ça, man. C'est pas mal ça. Good. Fait que j'ai trouvé ça bien, sans plus. Je donne 3 à ce jeu-là, hein. Oh et boy. Puis, à chaque semaine, note de passage. Combien de là, si je laisse tout qu'on joue à ça? Mais c'est un bon petit jeu, sérieux. Si vous êtes ramasseux de jeux NES, tu sais, pour avoir du plaisir avec, ça, c'en est un. Puis à 30$, moi, je trouve ça bon, là. Tu sais, 30$ pour 20 minutes. Non, mais tu peux gosser un peu plus, mais ouais, c'est un beau jeu à avoir. Je suis content de l'avoir, tu sais. C'est un bon jeu pour les enfants. Ouais, exact. Puis, tu sais, de party, mettons, là, week-end gaming, là, tu dis, ah, je suis fatigué, man. Okay, fais les Toki. Mets Toki, puis on fait un petit Toki, on finit ça. Ah, ouais. Un petit Red Bull en même temps. Puis après ça, tu passes sur de quoi de plus hardcore, tu sais. Genre un magot. Très mal. Exact. Ouais. Clairement. Là, c'est vraiment un feel-good game, là. Donc, j'ai bien apprécié. Ah, c'est cool. Bon. Ouais. Great. Là, c'est au tour de Mario. Oh, oh. Mario! Right. Fait que moi, je suis parti dans une lancée de jeux d'aventure. Oui. Je vais vous parler des point and click, là. Ouais, mais celui-là, c'est pas un point and click. C'est le nouveau King's Quest. Oui. Oh, chapter 1, A Night to Remember. Bon, on... Acknight, là. Acknight to Remember. Puis là, c'est écrit à l'écran, Acknight to Remember. Ah ouais, c'est juste l'écran de télé. Ah, OK. J'ai pas encore joué aux autres chapitres, mais... Il est dans le hood. Quand tu mets un « Ah, remember ». Remember. Mais chaque titre de chapitre, c'est comme un jeu de mots. Il y a le deuxième, je pense, c'est « A rubble without a cause », quelque chose comme ça. Genre un éboulement sans cause. Puis mais là, c'est publié par Sierra, ça? Ça existe encore? Oui, ça existe encore, Sierra. C'est publié par Sierra. Puis d'ailleurs, bon... King's Quest, c'était une série de l'époque, de l'âge d'or des jeux d'aventure de Sierra, ouais. Là, à l'époque de Space Quest, toutes ces séries-là. C'est une belle, je respecte, j'ai jamais joué au jeu de cette époque-là, mais je la respecte, t'sais. Je la trouve belle, cette époque. Ouais. Prime sur, PC, là, sur Tandy, Sierra, là, ouais, je trouve ça beau, man. Quand on parle de jeux dans lesquels il y avait beaucoup d'amour, ces jeux-là avaient beaucoup d'amour, surtout au niveau du texte, c'était très, très, très drôle. Il trouvait tout le temps des façons comme originales de faire que tu meurs. Puis là, quand tu meurs, c'est comme pas nécessairement frustrant parce que tout le temps comme drôle. C'est genre, tu sais, il y avait justement mon frère, il rejouait au premier. C'est un remake de Laser Suit Larry. Puis à un moment donné, il essaie de flusher. Puis là, ça dit, tu meurs parce que l'eau, c'est... Ouais, l'eau est sortie. Ça inonde la pièce, puis tu meurs. Ça fait que ça, c'est King's Quest, A Night to Remember. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser, dans le jeu, le personnage principal, Graham, il aime ça faire des jeux de mots. Ça fait que les titres de chaque épisode, c'est des jeux de mots. Puis au fond, ça commence avec ça. T'es dans une grotte, puis là, tu sais pas trop pourquoi dans la grotte, il y a comme plein de matelas, puis là, il y a un dragon, puis... Puis c'est vraiment très, très, très imaginatif comme univers. Ouais. Puis au fond, le lien avec la vieille série, c'est que c'est comme une sorte de reboot où est-ce que la vieille série fait quand même partie de l'histoire. OK. Mais c'est comme si les vieux jeux, c'était une version un peu romancée de ce qui s'est passé. Puis là, ça, c'est ce qui s'est passé pour de vrai, t'sais. Puis, mais là, au début du jeu, ça t'arrive là. Puis à un moment donné, tu comprends que Graham, en fait, le personnage principal, il est rendu vieux. OK. Puis t'as des bouts dans le présent où est-ce qu'il est rendu vieux. Puis il raconte son histoire à sa petite fille, Gwendolyn. OK. Puis Puis ça, c'est vraiment intégré d'une façon qui est intéressante, qui m'a fait vraiment beaucoup penser au film Princess Bride. Ouais. Où est-ce que... Ah ouais. Ouais, c'est, ça m'a vraiment fait beaucoup penser c'est à bon ça. Ce film-là? Oh, ouais, c'est écœurant, c'est ce film. C'est un classique. Ouais. Je vois ça. Ah ouais? Puis tu sais, dans Princess Bride, t'as comme un monsieur qui raconte une histoire à un petit gars. Puis des fois, tu sais, t'as comme la narration qui embarque par-dessus le gameplay, par-dessus le film. Et là, c'est, ça embarque des fois par-dessus le gameplay. Puis comme, puis ça fait un peu des blagues par rapport au vieux jeu d'aventure où est-ce que des fois, tu sais, à un moment donné, tu pognes une hache. Puis là, il dit, oh, puis là, non, j'ai pas essayé l'âge sur tout ce que je trouvais. Tu sais, comme dans, tu faisais dans les vieux jeux d'aventure, tu peux. Ah ouais, j'ai essayé sur tout. Puis là, tu sais, des fois, il y a même la petite fille qui embarque. Tu sais, à un moment donné, tu fais une connerie, puis ça marche pas. Puis là, la petite fille est comme, ah, oh, puis là, t'as fait. Non, j'ai pas fait ça. Tu sais, c'est okay. Vraiment très imagé, très raconté comme un conte. Puis, tu sais, visuellement, c'est t'as vraiment l'impression de regarder un dessin animé. C'est très beau. Parce que c'est comme c'est du 3D, un peu cel-shading, ouais. Mais quand même très détaillé. Puis les contrôles sont comment? En fait, ça, les contrôles, c'est pas un point and click comme les vieux jeux. C'est vraiment, tu contrôles comme si c'était un platformer 3D un peu. OK. T'sais, tu peux pas sauter puis tout ça. Il y a juste y a des moments comme tantôt, on l'a vu grimper un mur. Oui. C'est comme un Telltale, mettons, au niveau des contrôles? C'est un peu comme Telltale dans le sens que c'est narratif. Mais tu sais, Telltale, c'est vraiment des scènes très linéaires, est-ce que tu passes d'une scène à une autre. Là, on est vraiment un hybride de Telltale puis des vieux jeux d'aventure où est-ce que tu es dans un environnement quand même... au début, c'est un petit peu linéaire, puis à un moment donné, il arrive à un point du jeu où est-ce que tu es dans un environnement que tu peux explorer. Puis là, c'est vraiment des vrais puzzles. Okay. Où est-ce que faut que tu trouves des items, il faut que tu parles aux gens, il faut que tu combines les bons items puis tout ça. Dans une interface qui est très, très simple, ou est-ce que, tu sais, au lieu d'avoir comme des boutons, tu sais, regarder, toucher, tout ça, ça va être juste un bouton qui va faire ce que tu as besoin de faire à ce moment-là. Okay. Sinon, tu as un bouton qui ouvre ton inventaire. Puis là, mettons, tu es devant une personne ou un objet, puis là, tu veux créer une interaction entre ce qu'il y a dans ton inventaire et la personne ou l'objet, ben tu ouvres ton inventaire, puis là, tu pèses, puis là, ça va ou bien faire quelque chose ou pas. OK. Fait que ça accélère le jeu, ça. Oui, oui ben parce que ça. Moi, il me semble, dans le temps, t'as comme toute une panoplie de choses à faire. Voici une roche. Ouais. Frappe dessus. Ouais. Parle à la roche. Ouais. Observe la roche. Tu sais, puis là, t'es comme, d'un coup, t'aurais de quoi dans le dessous de cette roche-là. Ouais, ouais. Moi, c'est ça qui me faisait chier. Quand t'as juste un bouton d'action sur la roche, t'as trouvé la roche, tu l'actionnes, c'est tout. Ça, c'est ce que beaucoup de jeux d'aventure modernes font, en fait, c'est vraiment de simplifier l'interface. Puis là, je trouve que c'est parfait dans ce jeu-là. Ou est-ce qu'ils ont trouvé une façon de simplifier l'interface? Tout en ayant des puzzles quand même assez challengeants. T'sais, c'est pas aussi difficile qu'il joue de l'époque, mais il y a des moments où j'étais pris puis il fallait que je me pose des questions puis que je fasse ah ouais tel personnage me dit ça tantôt, puis là j'ai tel objet, ah peut-être si je combine ça, puis je retourne à l'endroit. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons de élucider certains puzzles, puis ça change comment certains personnages vont après ça interagir avec Graham. OK. Puis là, je me suis avancé, j'ai pas parlé d'histoire. Au fond, Graham, là, c'est vraiment... au fond, Graham, dans le présent, quand il est rendu vieux, c'est le roi de Daventry. OK. Puis là, l'histoire du jeu, c'est qu'il arrive à Daventry pour la première fois. T'sais, il vient de l'extérieur, il arrive à Daventry. Puis là, il y a une espèce de concours de chevaliers. Puis là, il y a comme trois étapes. Il y a un concours de force, il y a un concours de vitesse, puis il y a un concours d'esprit. Puis... il y a comme d'autres chevaliers qui sont là, qui ont vraiment des personnalités très fortes. Puis là, c'est super bien écrit. Le voice acting, c'est un des meilleurs que j'ai vu là, à date. Là. C'est vraiment... Tu sais, il y a un personnage qui est comme... Il est grand, puis il est un peu gros, mais il parle un peu comme une haïtienne. il fait un peu comme l'attitude, genre, puis il est super drôle. Puis là, ça a l'air qu'il cache quelque chose dans son ventre. Tu sais pas c'est quoi. Puis il y a toute une histoire autour de ça. Okay. Là, il y en a un qui est tout petit aussi. Il a une armure. Tu vois jamais sa face. Puis que lui, c'est comme ton ami. Puis ils ont comme, hey, on va s'aider, on va s'entraider un petit peu. Il y en a un qui c'est comme le chevalier parfait. Ou est-ce qu'il est comme super musclé en haut du corps. Mais il a des petites jambes. Mais il est super rapide. Puis il est tout le temps, Whisper can do this. Whisper can do that. Puis il est comme... Puis il y en a un qui est genre... il parle une autre langue, puis il fait juste dire Achaka, Achaka. Ok. Puis, ah, c'est cool. Puis il y a comme toutes sortes de petites missions à faire pour quand t'arrives pour le concours de force, ben tu peux pas le gagner là. Il y a une couple de puzzles à élucider avant pour avoir ce qu'il te faut pour ça. Okay. Puis il y a vraiment tout au niveau de l'univers, il est vraiment très imagé. Puis tout à coup, je sais pas pourquoi tous les ponts ont disparu du royaume de Daventry. Puis là, finalement, c'est parce que chaque pont, c'est un troll. Il y a comme un troll en dessous du pont, puis okay. Le pont sur son dos. Puis là, ils sont comme des golems de pont. C'est ça. Puis là, ils sont tannés de se faire marcher dessus par les soldats qui ont des souliers pointus. Puis là, ils sont comme en grève. Puis là, t'as comme trois trolls géants qui, à un moment donné, ils font comme une espèce de rencontre où est-ce que ils ont comme des points du jour, puis là, on parle de ça. Puis là, t'arrives. Là, il faut que tu essaies de leur faire croire que toi aussi, tu es un troll de pont. Puis là, c'est comme, ouais. Il me semble que tu es un petit peu différent. Puis là, c'est des puzzles comme ça. Puis, je parlais de Princess Bride, ça m'a fait penser aussi, la partie que, tu sais, il y a comme quelqu'un qui raconte l'histoire. Mais aussi, cet univers-là médiéval, très comique, où est-ce que c'est toutes sortes de situations un peu loufoques. Ouais. Puis, ça, il y a plusieurs façons de décider des puzzles, puis c'est soit par la force, soit par la bonté, soit par la ruse. Puis dans le village, il y a une madame qui est une forgeronne, puis elle serait contente que tu utilises la force. Là, il y a un pâtissier, lui, c'est content que tu utilises la bonté. Puis là, il y a comme un couple de vieux qui font de l'alchimie, qu'eux autres, ils essaient de t'encourager à utiliser la ruse, t'sais. Puis, dépendant de comment tu utilises les puzzles, eux autres vont avoir des réactions différentes à toi. OK. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est des chapitres. J'ai juste joué au premier, puis je pense que ça m'a pris au moins 6-7 heures le finir. OK. Combien de chapitres il y a là-dedans? Il y en a 5 qui sont pas encore tous sortis. OK. Puis, tu sais, comparé à les jeux de Telltale, où est-ce que tu finis un chapitre en 2 heures parce que c'est linéaire, right. Là, c'est... Tu sais, il n'y a pas nécessairement plus de contenu, mais il y a de l'exploration à faire. Il faut que tu élucides des puzzles, il faut que tu réfléchisses. Puis ça fait que je trouve que ça donne un contenu qui est vraiment plus intéressant pour ton argent au niveau des épisodes. Là, le premier, je l'ai pas payé parce qu'il était gratuit avec PlayStation Plus le mois passé. Mais dès que j'ai fini, je suis allé voir, puis il y avait le reste du Season Pass en spécial à 20$, puis je l'ai tout de suite acheté parce que... Oui. C'est vraiment un coup de cœur. C'est clair que c'est dans les meilleurs jeux de l'année, King's Quest. Wow. C'est drôle. Puis le côté gameplay qui est là, qui fait que c'est pas juste tu passes d'une scène à l'autre. Puis c'est beau. C'est bien écrit. C'est drôle. C'est vraiment drôle. C'est un jeu qui m'a vraiment fait rire. Puis... Tu lui donnes combien, ce jeu-là? Je donne un 4.5. Je donne pas une note parfaite parce que... Wow. Il y a l'air d'avoir plus de stock là-dedans que dans Toki. Ouais. La seule affaire qui m'a dérangé dans le jeu, c'est... Il n'y a pas de singe qui crache. Non. Ça manque de singe qui crache. Ah, il y a des affaires plus loufoques que ça. Ouais. Mais des fois, c'est que... Tu parles pas de Toki de moi. Tu parles à quelqu'un, puis là, il y a comme une cinématique, il y a quelque chose qui se passe, il répond quelque chose. Puis là, tu repèses, puis là, c'est exactement le même dialogue, la même cinématique, puis tu peux pas la skipper. Puis là, t'es comme, OK, je voulais juste voir s'il allait dire quelque chose de différent. Finalement, t'es repogné à revoir la même cinématique. Ah, ça, c'est plate. Ça, c'est un petit peu plate, mais c'est vraiment, genre, si j'ai un truc de négatif à trouver, c'est ça. Le reste, j'ai trouvé ça parfait. Génial. Nice! Magnifique. Je l'ai aussi, je l'avais téléchargé, je l'ai pas encore essayé, mais... Moi, j'attendais ta critique. Je l'ai téléchargé, puis il était vraiment lourd, fait que je me disais qu'il devait avoir du contenu. Oui. Ça s'explique. Bon, c'est là qu'on va mettre notre couche, tout le monde, pour la critique de l'année, c'est ça? celle qui s'en vient, c'est ça? Ouais, ben, vous devez c'est vous la grosse critique que tout le monde attend en ce moment. Ouais, c'est la grosse critique. C'est pas le poids que donne, là. Mélangé. Couche! Mais t'as j'ai pas de couche! J'ai pas de couche aussi! Aïe aïe! Fait qu'à soir, moi, je vais vous parler du très attendu Uncharted 4 à Thief's End. Il est pas sorti encore. Il est sorti. Mardi? Il est sorti. Mardi passé. Ouais, il est sorti mardi passé. Puis c'est ça, c'est le nouveau jeu de Naughty Dog. Puis c'est la finale d'Uncharted. Ah, ils finissent la série avec ça? Ils finissent la série avec ça. Sérieux? J'y crois pas. Mais non. Mais ils disent que c'est le dernier chapitre de la saga Uncharted. La première saga d'Uncharted. C'est ce que je me dis. Parce que ça, c'est une vache à lait, Uncharted. Tu peux pas arrêter ça de même. Bref. Dans Uncharted 4, là, maintenant, Nathan Drake, qu'on connaît depuis longtemps, ça fait quasiment 10 ans que la série existe. Déjà, ben, ce gars-là, pour les gens qui connaissent pas trop la série encore, ben c'est un chercheur, c'est un archéologue. Pensez Indiana Jones, c'est Nathan Drake. Tomb Raider. C'est Tomb Raider, exactement. Oui, Tomb Raider avant tout. Puis d'ailleurs, ce jeu-là, cette série-là, s'est inspirée quand même de Tomb Raider pour arriver au monde. Puis finalement, elle a clenché Tomb Raider et Tomb Raider l'a rattrapé par la suite. Mais c'est ça. Bref, là-dedans, Nathan Drake a fini par décrocher complètement de cette vie-là. Il s'est marié. Il s'est marié avec la journaliste avec laquelle il fait des aventures dans le troisième jeu. Bref, Nathan Drake a une vie rangée, puis il dit « Bon, ben moi, je veux plus faire ça, je veux plus me mettre dans le trouble, je veux plus me mettre dans la marde. » Et puis, finalement, son frère, qu'il croyait mort depuis un bon bout de temps, son frère qu'il croyait mort est revenu, puis il a dit « Garde, je suis dans la merde. Retourne dans le trouble. Faut que tu m'aides à aller chercher le trésor. » Du Capitaine Avery. Est-ce qu'il s'appelle Ethan Drake? Non, il s'appelle pas Ethan Drake, il s'appelle Sam. Et puis, Sam, il a fait de la prison. Puis, c'est vraiment un hostique pas bon frère. C'est un crotté, Sam. Non, mais Sam, en fait, c'est comme le gars qui l'a pas eu facile. Puis c'est le fun aussi parce que tu vois aussi encore plus qu'avant le passé de le background Drake, familial, le background familial de ces gars-là, puis par où ils ont passé, puis tout ça. C'est ça, on le voit là. Dans le 3, on le voit ado, puis on pensait qu'il était orphelin. Exact. Quand il rencontre Sully. Là. C'est ça. Mm-hmm. Sauf que, tu sais, là, tu vois, il creuse encore plus ce côté-là, puis on s'en va dans plusieurs étapes de la vie des deux frères. Pis ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant parce que l'histoire est vraiment, vraiment, vraiment deep. Elle est très bien faite. T'as vraiment... Tu sais, si ça, c'est un film, je veux le voir, ce film-là. Le film est vraiment excellent. L'histoire est très bien développée. Les personnages sont extrêmement bien développés. Mm-hmm. Puis on s'attache à tous les personnages qu'il y a là-dedans. Même les méchants sont super bien développés. Ah oui. Fait que c'est vraiment... C'est un jeu qui, du côté narratif, est impeccable. C'est vraiment, vraiment bon. C'est la meilleure histoire qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Puis aussi, côté visuel, évidemment, tout le monde s'y attendait. C'est vraiment le plus beau jeu qui existe. Ouais? Ouais. Okay. Je dirais pas que c'est le plus beau jeu qui existe sur la PS4. Je pense que c'est le plus beau jeu qui existe. C'est... Au monde, là. Ouais. Il est vraiment beau, ce jeu-là. Il est détaillé. Il y a vraiment une attention à peu près tous les détails qui existent. Puis tu peux même arrêter n'importe où dans ce monde-là, puis être à côté d'un mur, puis faire comme « Ah, le mur, ils l'ont pas fait parfait. Ils ont fait un petit graffiti ici, il y a une scratch là. » Tu sais, puis t'es à côté, là, puis il y a rien qui est low-res. Tout est là, tu sais. Quand tu penses à la production de ça, toi, Nick, est-ce que tu t'ennuies de l'univers, de la création des jeux? Ah, énormément. Là, je regarde ça, j'ai une petite larme à l'œil. Là, mais je sais comment Naughty Dog, tu sais, c'est du monde dédié, en fait, là, qui sont là-bas. Je pense qu'ils prennent juste du monde là, qui ont énormément d'années d'expérience, puis de talent là, supérieur. Là. Oui. Mais c'est aussi du monde dédié. Là, c'est un jeu-là, là, je sais pas combien de... Après, s'il y en a eu de l'overtime. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, en fait. Ouais, c'est ma remarque. Ouais, tout à fait. Ça m'en... Le monde sont morts en sortant ce jeu-là. Oui, mais ils sont morts. Mais en fait, ils vont juste dormir 2 mois. Puis après, je regarde. C'est tout ce qui est à l'écran, tout ce qui était le fun du Uncharted qui est là. Puis je me dis, je regarde, je dis, il faut que je joue. Ben, c'est ça a vraiment l'air si on parle de ce qu'on fait dans Uncharted, ben c'est ça, il y a toujours les fameuses portions où on va se lancer à quelque part, faire un peu du platforming 3D où on va grimper à des endroits. Là, on a un nouvel outil à notre portée, on a un crochet qui nous permet de se balancer. Fait que Nathan Drake ressemblait déjà beaucoup à Indiana Jones. Là, il y a même un genre de fouette qui n'est pas vraiment un fouette parce qu'il ne sert pas de ce crochet-là pour se battre. C'est vraiment plus pour s'agripper quelque part et puis pour sauter ailleurs. Moi, une chose que j'ai vraiment adorée dans ce jeu-là, c'est que contrairement... Ce jeu-là réinvente la façon dont on voit les Quick Time Event, puis ils ont réussi à trouver une façon de détourner le Quick Time Event. C'est-à-dire que, bien souvent, tu penses que c'est un Quick Time Event, mais il faut que tu joues. Tu contrôles encore totalement ton personnage. Okay. C'est juste que la caméra a changé de plan de vue. Tu sais, comme tantôt, si je prends l'exemple... Tantôt, on voit rien que ça, une espèce de... Ben c'est ça, mais si je prends exemple là-dessus, tantôt, tu sais, on était attaché à une corde. Ouais. Puis tous les mouvements qu'on fait sur cette corde-là existent. Si tu veux sortir ton gun, tu peux à n'importe quel moment. Okay, okay. Tu as une totale liberté sur ce que tu fais. Là, présentement, tu sais, oui, ça, c'est une séquence vidéo sur laquelle j'ai aucun impact. Mais il y en a très peu dans ce jeu-là. Tout ce qu'on fait est vraiment... C'est sûr qu'on t'envoie vers un certain chemin, mais on te donne quand même beaucoup de liberté. Quand tu fais une mission, tu peux avancer dans ta mission puis aller d'un côté vraiment furtif puis dire, bon, ben je vais passer ce niveau-là sans tuer personne, sans frapper personne. Mais ça, c'est quelque chose qui est possible. Mettons la séquence que tu avais tantôt, que tu tenais une corde qui avait l'air d'attacher à un avion. Oui. Là, à un moment donné, il y avait un bateau qui arrive. Il faut que tu montes un peu la corde. Oui. Puis là, après ça, il faut que tu pètes un affaire. Oui. Si tu rates le montage un petit peu sur la corde, puis tu fonces dans le bateau, tu meurs. Là. Oui, exact. Puis tu recommences. Tu recommences loin, un petit peu plus loin. Juste comme un petit peu juste avant la séquence. Quand même, les checkpoints sont quand même bien faits de ce côté-là. Tu sais, tu recommences... La mémorisation de ce que tu as à faire dans ton espèce de séquence de fou de même qui roule depuis une minute. Ouais. Parce que c'est vraiment ça. Là, c'est Sauf qu'on t'aide quand même un peu à faire cette séquence-là. Ouais, c'est ça. C'est assez intuitif. Puis on te donne le temps de voir les choses arriver. Tu vois que les créateurs de ce jeu-là, ils ont vraiment joué au niveau... sans arrêt, pour vraiment le peaufiner le plus possible pour que la personne qui arrive, qui est un newbie, il va arriver à jouer, puis à se faire du fun, puis à comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Puis ça m'est arrivé rarement de mourir en grande frustration en faisant comme « Non, c'est impossible! Non, si j'y arrive pas, c'est de ma faute. Je sais que c'est possible. » Mais ce que je disais tantôt, c'est que la furtivité là-dedans, c'est intéressant parce qu'on peut y aller furtif. On peut maintenant... cibler des personnages puis pour voir les marquer, en fait. Ils ont un marqueur sur eux autres, ce qui nous permet d'avoir une certaine stratégie. Parce que t'as pas le choix d'avoir une stratégie dans ce jeu-là parce que maintenant, les méchants sont plus féroces qu'ils l'ont jamais été. Les niveaux de la façon qu'ils sont faits sont tout le temps faits de façon à ce que tu peux te faire prendre en souricière tout le temps. Si toi, t'es juste au bout du tableau puis tu te caches en arrière d'une roche, tu dis « Ah, ils vont tous s'en venir par en avant, je vais les shooter. » Non, non, c'est plus de même. Là. Ouais. Ils peuvent descendre, s'agripper pareil comme Drake, lever dans l'arrière puis venir te shooter dans la face. Fait que faut vraiment que tu fasses attention. L'action se passe à 360. Puis le côté furtif est intéressant, mais tu peux y aller aussi du côté rentre dedans, tire tout le monde. Les deux sont possibles, puis les deux ont leur niveau de difficulté, en fait. Okay. Puis... Les ennemis sont non seulement féroces, sont très variés. Tout le monde a des dialogues, tout le monde dit quelque chose, tout le monde a une influence. T'as tout le temps un coéquipier, t'as tout le temps quelqu'un qui est avec toi. Donc, admettons que c'est ton frère ou admettons que c'est Sullivan qui revient dans cette histoire-là. Ben, des fois, admettons que t'es perdu ou tu sais pas exactement où aller parce que là, on n'a pas donné un chemin droit et précis, il y a plusieurs allées, il y a plusieurs façons de terminer un tableau, ben des fois tes acolytes vont parler ou vont t'aider. Tu vas pouvoir aller les voir, leur poser une question, puis là finalement ils vont faire une discussion. Une autre affaire aussi que j'ai aimé niveau de détail, c'est que à un moment donné, j'étais dans une foire alimentaire en à Inde. À Place Versailles. Ouais, c'est ça, à Place Versailles. Je me demandais si j'allais au Thai Express ou un petit hot dog. Mais, hot dog frites. Fait que, non, mais c'est ça. Fait que là, j'étais dans une foire alimentaire, puis j'ai pris, je me suis promené, puis là, j'ai pris une pomme, puis je me suis mis à manger la pomme, puis ça a l'air vraiment simple comme détail. Mais jusqu'à date, dans tous les jeux que j'ai joué dans ma vie, quand tu pognes un objet, puis tu le manges, là, ben ça fait la même animation à peu près que quelqu'un qui est en train de parler, tu sais, tu vois manger, mais c'est pas... Là, c'était hyper détaillé. Ah ouais. Il mangeait, puis tu voyais la joue qui était toute déformée, la face d'un gars qui est vraiment en train d'apprécier un aliment. Ils ont vraiment travaillé très fort sur toutes les expressions qui existent dans ce jeu-là. Tu sais, tu peux voir les personnages, tu peux voir quand ils sont tristes, quand ils sont fâchés. C'est vraiment impressionnant le niveau de détail qu'il y a à l'expression des personnages, puis le niveau de détail point dans tout. Mais mis à part ça, le gameplay est excellent. Le jeu de tir, le jeu pour ce qui est du tir est excellent encore. C'est vraiment bon. On va, tu sais, le troisième, il y a beaucoup de monde qui ont critiqué que le tir était moins bon que le deuxième. Mmh. Et bien là, avec le, mais dans la version rééditée, le troisième était aussi bon que le deuxième. Ben là, on est allé avec The Nathan Drake Collection. C'est vraiment le même système de tir. Il y a aussi un véhicule là-dedans. On sert d'un véhicule dans plusieurs places. Un véhicule. Un véhicule. À un moment donné, t'es dans un Jeep à Madagascar, comme on a pu voir tantôt, puis tu roules, puis maintenant, t'as un treuil aussi. Fait que des fois, là, t'es pogné en bas d'une côte, puis il y a bien de la bouette un peu partout. Fait que tu vas pogner ton crochet, tu vas aller l'accrocher. Puis, tu sais, tu vas vraiment tourner autour de l'arbre puis aller l'accrocher en avant, puis ça va se mettre exactement à bonne place, tu sais. Ouais. Fait que c'est des petits détails d'avant qui sont le fun, puis des éléments de gameplay qui sont le fun aussi. Fait qu'on a ajouté énormément de choses dans le jeu qui fait que le jeu, t'as tout le temps l'impression que c'est nouveau. Même un moment donné, je vous vendrai pas le punch de c'est à quoi, mais Nathan Drake est chez eux avec sa blonde, puis il joue à PlayStation 1. c'est vraiment hot. Wow. Je vous dis pas à quoi qu'il joue, mais il joue à PlayStation 1. Puis Nathan Drake est tout pourri. C'est-tu Star Gladiator? C'est pas Star Gladiator. Oh, il y a jamais personne qui joue à Star Gladiator. Jak and Daxter? Non. Ça doit être un jeu de la même compagnie. C'est un jeu de Naughty Dog. Ouais. Fait que c'est ça. Mais bref, le jeu dure 15 heures à peu près. Puis c'est une campagne qui est assez longue quand même, considérant le niveau de détail qu'il y a là-dedans. Si vous allez chercher tous les trésors, tout ça, puis je vous invite fortement à aller les chercher parce que, un peu comme la série Tomb Raider, tu peux passer à côté d'un endroit magnifique dans lequel il y a des trésors puis des trucs cachés sans jamais le savoir. Fait qu'il y a quand même un incitatif à refaire certains niveaux puis à passer aux endroits où on était passé auparavant. Mais ce qui va nous inciter peut-être à retourner dans le jeu, c'est le multijoueur. Multijoueur très intéressant. J'ai pas joué beaucoup encore, mais il y a énormément de choses à débarrer, ce qui fait qu'on a tout le temps le goût de revenir pour pouvoir débarrer le plus de trucs possible. Mais c'est vraiment la campagne solo, c'est la meilleure affaire là-dedans. C'est le meilleur jeu que j'ai vu jusqu'à là. Je veux dire, tu joues puis tu comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer tellement c'est incroyable. Là, on joue vraiment à un film malgré toutes les affaires qu'on a, tous les essais qu'on a vus jusqu'à maintenant. Il n'y a jamais un jeu qui est allé aussi loin dans le détail. Autant niveau gameplay, tout est tight, tout est parfait. Je veux dire, tu prends ta manette puis tu sais comment jouer, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Les affaires sont bien placées au bon endroit. Malgré le fait que tu peux t'en aller à peu près n'importe où, tu finis par trouver ton chemin pareil. Puis ça, je trouve ça vraiment bien fait parce que t'as pas vraiment de guide là-dedans. Tu sais, t'avances, puis t'as plusieurs chemins, puis tu peux arriver à finir le tableau de plusieurs façons, puis ça va fonctionner. Puis côté narratif, il y a aucun jeu qui est arrivé à ce niveau-là jusqu'à maintenant. Fait que c'est très fort. Et puis, pour toutes ces raisons, parce qu'on peut pas parler de ça ce soir, je lui donne un 5 sur 5. Je le savais que t'allais dire ça. Nice. C'est vraiment incroyable comme jeu. Sérieusement, c'est une bonne raison d'acheter une PS4, pour vrai, là, parce que c'est vraiment très réussi. Y a-tu une PS4 bundle avec ça? Y avait celle de Nathan Drake Collection. Je sais pas s'il y en a avec Uncharted 4, mais il faudrait, en fait, là, s'ils font pas ça, Sony sauter là-dessus. Puis je sais que vous pouvez jouer en Remote Play, mais jouez pas en Remote Play. Ce jeu-là, faut qu'il soit joué sur écran géant pour voir toute la magnifique beauté grandiose. Fait que c'est ça. Achetez ça now. Excellent. Cool. Fait qu'on est rendu à la pause. Oui, monsieur. Après ça, okay. Discussion. Exact. Après, ça embarque, ouais. Il dit quelque chose. Moi, je prêt pour la pause. OK, OK, ben, ah ouais, ben là, ben la pause. On est de retour! Yeah! En plus, aujourd'hui, Jeff, t'as choqué solide. On n'a pas de fun facts. Non, on peut revenir sur un des fun facts la semaine passée, par exemple. Oui? Dinosaur Planet, là. Le jeu que j'avais dit qui avait inspiré Star Fox Adventure au GameCube. Oui. C'est un jeu qui n'est jamais sorti, finalement. C'est un jeu qui a été cancellé juste avant la sortie sur N64. Okay. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous a répondu. Ouais, il y a d'autres personnes qui me l'ont dit. Là, fait que ça a repris des éléments de ce jeu-là, Dinosaur Planet, qui l'ont amené vers Star Fox Adventure. Ouais. Exact. Parce qu'on avait une pochette, on n'était pas sûr si ça avait été sorti ou pas, mais c'était un concept art de quelqu'un qui avait fait. Si j'avais été là, je l'aurais dit. Je me suis surpris. Maudit. On a eu l'air de des bouffons. Faut qu'il arrive. Fait que là, la discussion d'aujourd'hui, c'est en fait une discussion totalement ouverte. Oui. On va parler de n'importe quoi qu'on a envie, ben relié au gaming, là, ben oui. Près et de loin. On va s'amuser avec ça. Moi, j'ai une couple de sujets. Oui, moi avec. Mais on va commencer avec ce que tu avais mis en introduction, qu'on a rétrogradé. Oui. Oui. Là, on disait qu'on allait prendre notre bain plus tard. Là, on prend notre bain. L'eau est bien chaude. Oui. Ah ouais. Trempons-nous. Hey, entre autres, ça n'a pas rapport au gaming, mais ça a rapport à la geek culture. J'ai parti un groupe avec Christian Bolanos. J'ai parti un groupe qui s'appelle Les Amis qui sont à date dans Game of Thrones. C'est un groupe... Le nom dit ce que c'est. C'est ça, c'est un groupe Facebook privé. Mais... Avant que tu ailles plus loin, là, ouais. Je te jure que par un complet hasard, j'ai commencé Game of Thrones la semaine dernière. Ah ouais? J'ai jamais écouté aucun Game of Thrones. OK. Puis là, il me reste un épisode de la première saison. Là. Christy. Je suis rendu là. Ça me surprend que tu sois passé à travers les premiers épisodes où est-ce que 10 millions de personnages puis t'as aucune idée de ce qui se passe. Puis... vraiment en train de dire que je suis pas intelligent. Ouais. Non, mais tu sais, j'ai pas l'air de ça, Mario, mais je suis allé à l'université. Hein. J'ai lu des livres. J'ai lu bien plus de livres qu'on pourrait penser. C'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui, mais il y a beaucoup de gens qui passent pas à premier épisode. Non, c'est vrai, les premiers parce que c'est comme ça, faire rentrer dedans. Genre. Ouais. Ah, oh, ben, au contraire. Moi, quand le premier épisode, temps, il m'a accroché pas mal. Pour genre. T'accrocher ben, à j'ai ça. J'ai du temps de fin de soirée. De même. Okay. Ben, faut que ma blonde, tu sais, faut qu'on trouve de quoi, moi pis ma blonde. Ben ouais, ma blonde est commun. Vraiment pas très, elle trippe pas médiévale. Ben ouais. Elle trippe pas sci-fi. Mais on s'est dit, on va l'essayer. Parce que moi, je voulais, moi, c'est pas que je voulais pas, c'est que je peux pas écouter une série tout seul de mon bord. Ouais, ben non. Le soir, ma blonde, elle fait rien. Ouais. Tu comprends? Ben non, c'est une vie de game à la place, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, le temps que j'ai, quand je me prends tout seul, je me prends pour gamer. Mais on a embarqué là-dedans. Ouais. Moi aussi, je ne l'avais pas. Je sais pas comment avoir accès à ça. Ouais, ouais. Fait que là, j'ai payé HBO, là, okay. La grosse paye. T'as acheté des DVD, ils sont souvent plus chers à ce temps-ci. Ouais, ça me tente pas d'acheter ça, mais là, on va être pogné avec ça après. Fait que, ça pour dire que je capote là, bien raide. Ah, nice. Là, dis-moi rien de ce qui va se passer sur les personnages, mais je veux juste dire que j'ai un man crush sur Cal. Christ, ce gars-là, il est badass. Ah ouais, il était cœur. Fait que j'adore ce Cal Drogo. Ah, oh, Cal Drogo. Ouais. Fait que j'ai un man crush. J'avais compris Cal. Tu te trompes. Ouais, Cal. Cal Robert, c'est sa fête aujourd'hui. Ouais, Cal Robert. On le salue d'ailleurs. Termine à slot, man crush. Puis, c'est lui qui fait Zach Conan dans le. L'espèce de tentative de remake qu'ils ont fait là, de Conan. Oui. Ah ouais. Oui. Il est bien casté. Ah ouais, il était bien casté, puis il tient à son Conan. Puis, mais j'ai pas vu ça. Je peux dire aussi. C'est lui qui va faire Aquaman. Il était pas si pire que ça, Conan. On peut régler tout avec un Raven. Oui. C'est drôle. Hey là, tabarnak, les affaires. Send a Raven. Send ah Raven. Ben oui. Hostie, on envoie. C'est comme envoyer un fax, man. Les Hawaii et Raven, c'est-tu? Tu sais, elle se casse pas la tête. T'envoies un corbeau, un château ou un fax au gouvernement. That's it. C'est pas besoin de plus. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, pour ceux-là qui sont à date, parce que moi, j'étais pas mal tanné, parce que je suis quelqu'un qui est à date dans Game of Thrones, parce que c'est vraiment ma série préférée. Puis là, je l'écoute le dimanche soir, j'ai fini de l'écouter, j'ai comme « Ah! » J'ai le goût d'en parler. Mais là, tout le monde est comme « Ah, spoiler, man, spoiler, ça, spoiler. » Ben là, au moins, t'as une place pour aller sur Facebook où tu te feras pas dire « Spoiler, man. » Fait que tu peux triper avec du monde qui ont vu la dernière de Game of Thrones. Puis si tu l'as pas vu, si t'es du genre à être décalé d'une journée ou deux ou d'une semaine, ça arrive souvent. Moi, avec, ça m'arrive des fois, je suis fatigué ou Uncharted. Puis... là, à ce moment-là, ben, tu y vas. Tu vas dans le groupe privé quand c'est le temps, tu sais. Tu peux-tu aller in and out du groupe privé? Hein? Parce que moi, genre, je suis tout le temps... T'as peur de faire spoiler. Moi, je suis tout le temps 2-3 semaines en retard. Puis des fois, j'arrive à temps. C'est pas ça, je prends un peu de retard. Ça, c'est correct, sauf que moi, je te conseille une affaire parce que moi, justement, la semaine passée, je l'ai pas écouté le dimanche, je l'ai écouté le lundi. Ouais. Puis ça apparaissait dans mon feed. Fait que là, je le masque dans mon feed. Mm-hmm. Puis je vais juste le voir. Dès que je l'ai écouté, je m'en vais dans les amis qui sont à date dans Game of Thrones. moi puis Christian, on a essayé de trouver un autre nom. Puis là, on était comme... c'est correct, ça. C'est super difficile de trouver un autre nom. Parce que ça dit tout. Au moins, si le monde va nous trouver, c'est ça. Les amis. Non, mais tu sais que moi, Chris, si ça s'était appelé d'autres choses, genre Game of Thrones Lovers... Ouais, tu serais allé tout de suite. J'aurais capoté. Hey non, là, t'aurais vu des spoilers. T'aurais vu Dragon Robot. Pas d'allure, mon gars. Ouais, c'est ça, exact. Ah non, là, je suis comme super nerveux tout le temps. Ouais. Tu sais, je vais sur Internet. Là, je vais voir une couple d'affaires. Mais il n'y a rien de pire que d'être des années en retard sur une série parce que tu sais, t'en parles de même, puis à un moment donné, c'est comme oups, mais tu parles de justement le dragon. Ah, mais j'ai l'avantage de travailler robot. Seul à la maison, fait que personne ne me parle de rien. Celui qui lance des lasers avec les yeux. Personne ne me parle de rien. Personne ne me parle. Fait que c'est ça, allez vous joindre au groupe si vous êtes à date, ça nous fait plaisir. N'importe qui est admis, c'est vraiment le fun. On se partage des mèmes, on déconne, on jase. C'est fantastique. On est jusqu'à date 25 membres, dont l'incroyable Éric Hébert qui est là. fait que c'est ça, joignez-vous à nous. Fait que, qu'est-ce que t'allais dire, Mario? Game of Thrones, c'est vraiment ce narratif. Fanfiction érotique. Non, en fait, un truc que je trouve fascinant dans Game of Thrones, c'est comme t'as toute la gang qui sont à Westeros, là, dans les châteaux, tout ça. Puis là, t'as la gang, la fille avec. Dans le désert. Ils sont pas rendus loin. Ben oui, chacun est de son bord. C'est ça, chacun est de son bord pendant longtemps. Ah, calé, je pensais que ça allait traverser la semaine prochaine. Non, non, non. Ils vont se trouver des excuses pour... Je sais qu'elle va élever des dragons, tabarnak, puis qu'il va se passer de quoi. Je pensais que ça s'en là, pas genre 1000 ans après. J'allais juste dire, je trouve ça fascinant que genre... Ils travaillent jamais ensemble, ces acteurs-là. Ouais, ouais, exact. T'sais, ils sont jamais ensemble sur le plateau. Je trouve ça très drôle. Là. C'est vrai, ils travaillent sur la même série, puis que, genre, dans ta tête, c'est toi la star du show. Des, là, des parce que. Des conférences, puis des shootings du Vanity Fair, des affaires de même. C'est la seule affaire qui se passe. Mais attends, mon gars, quand Jean Héroldi tue du monde sur le show, c'est pas c'est ça, ouais. Fait que, on voulait parler de Mimoto. Oui, on voulait parler de Mitomo. Mimoto. Mimoto. On voulait, ouais. Mitomo, toi, tu l'as-tu encore l'application? Oui, mais j'avoue que ça fait quelques jours que je l'ai pas ouvert. Je l'ai délité, moi. Je suis désolé pour tout le monde qui m'ont écouté et qui était vraiment aussi enthousiaste que moi. J'étais extrêmement enthousiaste à la sortie. J'étais vraiment un early adopter, mais à un moment donné, j'étais vraiment tanné de répondre à des questions. Là. Ben, il faudrait qu'ils rajoutent des mini-jeux. Il y a, y a rien à faire. Il y a l'espèce de Plinko que ça m'a pris genre 3 semaines à redécouvrir qu'il était là. Oui. Mais ça, puis, les gars... Mais ça, il faudrait d'autres mini-jeux. Vous avez été une expérience sociologique pour Nintendo. Oui. Puis là, ils annonçaient des vrais jeux... Mais c'est pas vraiment Nintendo, c'est plus des third parties qui font affaire avec Nintendo, mais il va avoir un Fire Emblem. Ouais. Ouais. Genre mobile. Ça, c'est malade. Qui va être je pense free to play. Oui, il va être free to play. Il va avoir aussi un Animal Crossing. Ouais. Puis ça, man, c'est comme genre des vrais jeux. Là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être fantastique. Moi, j'ai surtout hâte de voir Pokémon Go, en fait. Ouais, avec Google. C'est celui qui m'intrigue le plus, moi, avec. Moi aussi, j'étais intrigué. Parce que, tu sais, j'avais essayé un petit peu Ingress, le truc. Je pense. Je m'en rappelle plus qui l'a sorti. Je pense que c'est Google qui l'ont sorti. Mm-hmm. Puis c'est vraiment un jeu de genre. Il y a comme 2 factions. Puis là, il faut que tu ailles hacker des points dans la ville. Genre, physiquement, il faut que tu te déplaces. C'est ça, là, ça marche sort avec de le chez GPS. Vous. Hein. Puis. Tu sais, tu level up. En plus, tu hackes des endroits. Puis tout ça. Puis tu peux devenir comme le boss d'un endroit. Ouais, genre, ouais. Comme, genre, mettons, toi, t'es le boss de. D'Arcade Montréal. Arcade Montréal. De toi. De toi. Là, j'arrive pour hacker, puis là, ça dit que c'est toi le boss, puis que, genre, ça fait des semaines que c'est toi le boss, puis il n'y a personne qui est capable de te détrôner, tu sais. Malade, ça. Hein? De rêve. Mais j'ai pas, tu sais, je trouvais ça génial comme idée. Oui. Mais j'ai pas embarqué parce qu'au final, c'est juste comme des petits graphiques puis du texte. Ouais. C'est comme Foursquare glorifié. Ouais. Ouais. Puis ça fait que j'ai hâte de voir comment, tu sais, Pokémon Go peut amener ça ailleurs, tu sais, avec la réalité. Mais c'est parce que l'annonce de Pokémon Go te donne tellement le goût de te pitcher dans le vide pour Nintendo, là. Elle est fantastique, cette annonce-là. Je veux dire, il y a personne qui peut pas avoir le goût d'acheter ça ou d'y jouer après avoir ben, vu ça. Depuis là. L'époque 64, que on attend un Pokémon Open World en 3D, puis finalement, on a juste eu Pokémon Snap puis Pokémon Stadium. Il y a eu d'autres jeux de Pokémon. Mais il n'y a pas eu un. Open World. Open World. Un jeu d'aventure de Pokémon, ça serait mal. Tu sais, un sandbox, là. Un vrai open world comme GTA où est-ce que tu peux vraiment aller partout. Tu puis, rencontres des Pokémon. Tu rencontres des Pokémon vraiment partout. Puis là, genre, ils ont jamais fait ça. Un genre d'MMO. Mais, pas nécessairement un MMO, mais tu sais, quelque chose de vraiment open world. Jamais fait ça, ça fait que j'ai l'impression que Pokémon Go, ça va être comme ça d'une certaine façon. Réponse à ça. Là. Puis ils ont prouvé, Nintendo sont quand même, sont pas stupides. Je sais que sur mobile, quand même, ils vont faire attention aux jeux qu'ils font, puis ils vont les faire comme du monde. Tu sais, entre autres, il y a un bon exemple pour le mobile présentement, puis c'est Ubisoft. Ils ont une division mobile, puis vraiment, leur façon d'approcher le jeu mobile est très intéressante parce qu'ils l'approchent d'un point de vue gamer, vraiment. Puis ils vont faire le jeu avec le souci qu'ils sont sur une plateforme qui a ces certaines limitations-là de contrôle. Puis vu qu'ils le font en conséquence, les jeux sont le fun. Ouais. Fait que, moi, je pense qu'il y a une possibilité de faire des Christy de bons jeux sur cette plateforme-là. C'est clair. Si tu le fais de la bonne façon. Tu sais, le multijoueur n'a pas été exploité tant que ça, mais tu sais, du multijoueur à proximité. Hein. Imagine, je suis dans le métro, tu sais, c'est genre, t'as un challenger assis à côté de toi, tu sors ton téléphone cellulaire, tu sais, t'es comme ça, puis Tom, puis là, moi, je te lance Charizard, tu mets Bulbasaur, puis là, on se bat, tu sais. Ça doit être écœurant, tu sais. Mais j'espère qu'il va avoir ce feature-là de multijoueur. Mais tu peux faire ça avec ton 3DS, mais c'est peut-être plus lourd. Ben, honnêtement, moi, j'ai essayé, puis au début, j'étais super enthousiaste, puis. Une fois, j'ai pogné un gars en même temps qu'on a comme matchmaking. J'ai dit, j'ai le challenge. Deny. De l'autre bord, je suis comme, quoi? Il... Tu genre, t'es le seul gars que j'ai jamais vu qui est en ligne. Je te challenge, puis tu deny? Je cherchais dans le wagon de métro, il était où? C'est sûrement lui, il s'est sauvé. Il est sacré à terre, il a pilé dessus. Mais ils sont les deux tout seuls dans le wagon. Puis là, c'est comme leur seule interaction. Puis là, c'est comme. Il y a un malaise. Je le voyais pas. Il devait être dans un autre wagon caché par quelqu'un. Puis où il se cachait lui-même. Mais c'était peut-être un, matin de marde. Moi, je me souviens de mes matins en métro. Puis t'as vraiment le goût de mourir dans le métro, dans un sens. Moi, non. Je veux dire, je joue à mes affaires. Tout le monde est déprimé. Tout le monde a la tête sur le cellulaire. Ça, c'est vrai, par exemple. À regarder, c'est déprimant. Fait que je me dis, je vais oublier le monde réel. Puis ils vont se plonger dans un monde. Eux autres, tu t'en dis, non, c'est ça la réalité. C'est vraiment intéressant dans un tuel noir. Non, pas vraiment. Ça existe, ces affaires-là. C'est encore allé, ce que tout le monde soit désormais dans le métro. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont gênés de sortir leur console. Parce que, tu sais, sur mon 3DS, j'ai tout le temps plein de genre dans le métro, de le Street Pass. Oui. Puis je vois jamais personne avec leur 3DS dans les mains, très rarement. Ouais. C'est que je me dis, il y en a dehors, plein de gars, plein de filles qui ont leur 3DS dans leur sac. Mm-hmm. On joue aux toilettes. Puis qu'ils sortent pas, ils pognent les Street Pass. Mais ils vont pas jouer nécessairement en public. C'est parce que le mobile, c'est facile, tu le sors, puis c'est fait. Là. Mais honnêtement, tu vas t'en servir. C'est accepté tellement plus socialement du fait que, tu vois, il y a des dames dans cinquantaine qui se claquent un Candy Crush. Ou un Bubble Witch Saga, le clone horrible. Là. J'ai une amie que je ne nommerai pas. Qui, elle, joue jamais. C'est sûr, ça laisse faire drette là. Non, mais elle a joué jamais aux jeux vidéo. Puis là, Christy, c'est en train de devenir une king puissante de SimCity. Ah ouais. Tout ça à cause que c'est sur mobile. Mais sinon, c'est cette fille-là aurait jamais joué. Ah, mais ce monde-là, ils veulent pas. Elle s'y intéresse pas. Là, à acheter des consoles. Ouais. Là, ça les intéresse pas. Mais c'est la masse, man. C'est sûr que c'est ça. Final, c'est ça qui arrive. C'est accessible à une masse qui s'intéresserait jamais aux jeux vidéo si c'était pas aussi simple. Et rapide et au bout du doigt. T'sais. Mais mon point, moi, par rapport à ça, c'est surtout que je suis content qu'il y ait quand même des compagnies qui se réveillent et qui font comme « Hey, il y a quand même, tu sais, les gamers sont importants, puis on devrait faire des jeux pour les gamers, des vrais bons, gros jeux, deep, qui sont bien faits. » J'ai l'impression que c'est ça. Les premiers qui le font vraiment, ben Ubisoft le fait très bien présentement. Là, vraiment, ils ont comme des jeux qui sont en train de sortir, qui sont très bons, qui sont pas nécessairement non plus des free-to-play. Il y a Square Enix qui sort leur Square Final Enix Fantasy, qui sont mais excellents. Mais que je trouve hein? trop cher. Là. Ils ouais. vendent 15-20 pièces. Tu sais, il y a Final Fantasy 6. Ouais. Ils vendent 20 pièces. Tu sais, OK, oui, c'est un gros jeu. Ouais. Mais ben, il y a Dragon Quest 7 qui est 27$. Ah oui. Mais qui est... C'est le remake du jeu qu'il y avait sur PS2. Mm. Puis tout le monde, sans aucune exception, sort les avis... Tout le monde capote, ils disent que c'est vraiment c'est excellent comme Dragon's Quest. Mais bon, c'est mais parce ça, que c'est les cool, gens que voient, jeu, voient le format différemment. Mais je me dis, on est habitué, on est conditionné à payer 35-40$ sur ouais. les 3DS. T'sais. Les jeux de Vita, ben là, encore plus, 50$. Ouais. Mais. Moi, je pense que la mentalité dès qui que doit changer sur un téléphone, pour tout on est le monde. Cheap, on est ouais. là, 30$. Mais ils ont essayé souvent, fait que j'ai hâte de voir. Beaucoup de compagnies ont essayé Square d'ailleurs. Il y avait, je pense, The World End With You. Oui. Il avait fait un port sur, ouais, iPhone. Sur iOS. Il était vraiment cher. En fait. Il était comme 19$. Il était 20$ exactement. Ouais. Ouais. Fait que, je sais pas, je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Non. Fait que le monde sont. Mais eux autres, ils ont sorti ça trop tôt, à mon avis. Peut-être, parce qu'ils étaient quasiment les seuls dans leur cours. T'sais. Après ça, ils s'est mis à avoir une série innombrable de shmup sur iOS qui coûte comme 30$. T'sais. Ah ouais? Oui! C'est vrai, il y a eu cette vague-là. Oh oui, à un moment donné, il y a eu cette vague-là, puis ils ont baissé leur prix par la suite. T'sais. Entre autres, Donald Pachi, je pense, qui était sur iOS. T'sais. Ouais, j'ai vu que Cave, il y en avait là, plein. Hey, moi, j'en ai jamais. Je les ai tous téléchargés, les démos, j'en ai acheté. Man, aucun, Cave coûte une ça fortune. Cher, ça coûte vraiment cher. Je veux dire, un gros RPG. Pour le nom. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, un gros RPG, un jeu qui a du contenu. Je vais le mettre le 20$ là, tu sais, c'est normal dans le fond. C'est, ouais. c'est ce que je mettrais sur un autre appareil. Fait que tu sais, ça, je trouve ça. Le problème des gros jeux, par exemple, c'est ta batterie. Parce que ton téléphone, ouais. il sert pas juste à ça. T'sais. Exact. Puis t'en as besoin le reste de la journée, sauf pour savoir où ouais. c'est quoi ton téléphone? Moi, c'est un GG3. Ah, c'est du caca, ça. C'est je pense. Ça. Moi, j'ai un iPhone 4. Sérieux, la batterie, elle t'offre d'aplomb. Mais, excuse, iPhone 6. Hey, t'as pas, hey, iPhone 6, wow, c'est ça, là. Ben, j'avais un 5 avant, pis t'as fait jamais même ouais. une journée, là. Il ouais. crevait, là. Ah, c'était vraiment ouais. très honte. Mais là, celui-là, il a fait beaucoup d'améliorations. Non, mais, tu sais, mon téléphone, il t'offre si je fais rien de spécial avec. Mais si exact. Je me mets à gamer, si je game une heure, ben, j'ai drainé la batterie à ça, moitié. C'est ça, ouais. ça que ça sert, man. C'est ça que ça sert. Ouais. Tout le temps que tu traînes une maudite. Parlant de choses que tu fais, Mario, tu sais, moi, je te vois pas à tous les jours, là, mais t'as-tu des potins d'Arcade Montréal, tu sais? Qu'est-ce qui se passe ici, là? T'sais, ouais, moi, Mario, on se parle à tous les jours, pis c'est drôle parce que des fois, il y a des affaires. Tu sais, vous voyez les consoles là-bas, là? Ouais, ouais. Il y a 3 télés. Oui. Ouais. En dessous des 3 télés, il y a 4 consoles sous les 3 télés. Oui. Puis il y a un Switchbox à chacune. Mm-hmm. Puis les consoles. Sont identifiés sur les Switchbox. T'sais. Mais là, ça va, là. Ça ouais, va. Ouais, les... ouais, c'est ça. Depuis que mais vous là, c'est parce que le monde, tu sais, comme quand tu t'adresses à la masse, tu te rends compte qu'il y a un niveau d'intelligence qui descend à peu près. Puis là, man, on pensait que c'était clair notre affaire. Mais c'est pas clair, tu sais. On arrivait ici, le lendemain, tout était débranché, les postes étaient changés. Les affaires étaient virées à l'envers. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Tu payes sur le piton de la console, puis tu sais, t'as jamais de poste, ça changeait jamais rien à ouais. faire. Fait que là, on a identifié les télé, on a identifié les consoles, on a les Switchbox sont déjà identifiés, là, tout est très, très, là, très, très, très identifié. Avez-vous mis un genre de tutoriel à papier, genre? Ouais. Moi la prochaine prend, étape, là, c'était je l'ai dit plusieurs fois que ça prenait ça. Ouais, pas juste des lumières, par exemple, pour qu'on voit même pas que en gaming, ouais, on va l'éclairer un peu, ce qu'on même pas en gaming, là. Tu rentres dans un meeting de business. OK, le gars, il ouais, a son laptop, il marche pas. La première affaire qui se passe, si t'as pas, genre, tapé tout ton filage, il va tout débrancher et rebrancher. Ouais. La fin, quand ça sort, là, c'est vraiment un chantier, le total. Ouais. Le monde, en général, c'est même pas le gaming, là. ça marche pas, il déplogue un fil. Appelle Marcel le technicien. C'est super compliqué. J'en doute pas. Aller déploguer un fil puis de checker le filage, tu sais. Pour que tu veuilles. Mais c'est le réflexe. Ouais. Ouais. Il faut vraiment que, genre, ouais, tu dis, quand ça marche pas, tu déploques quelque chose. Je vais mettre les mains dans le projet, ouais, puis je vais comme débrancher les affaires puis rebrancher les mais affaires. Mais là, attends, moi j'ai une question pour Arcade Montréal. Là, est-ce que tout le staff est au courant de la procédure pour ouvrir une console rétro? Bon, on n'a pas fait de... Mais la plupart du monde sont quand même geeks. Ouais. OK. Ben, il y a eu des gros changements aussi. On a, dans le staff, on a fait une rotation importante. Ouais. On a moins de staff présentement. OK. Mais on voulait avoir du staff plus expérimenté. Ouais. Puis on avait le total respect et puis on était comme... Tu sais, tout le staff qu'on avait, c'était toutes des bonnes personnes. Tu sais, qui avaient le projet à cœur. Ouais, ouais. C'est vraiment weird dans... Tu sais, j'ai comme jamais vécu ça, moi, là, des mises à pied, là, tu sais. Ben non. C'est pas moi qui les a faites officiellement non plus. Mais c'est une décision que tu prends, que tu dis, tu sais, ça va faire mal à du monde. Puis le monde sont cool, là, tu sais. Mais il faut que la business, ça roule. Puis, ouais, ça reste une business. Ça prend plus d'expérience, tu sais. Une personne expérimentée peut faire la job de deux, ben, tu sais, on veut donner des chances, mais bon... C'est comme le hockey, tu sais, tu peux pas juste avoir des jeunes, tu sais, ça te prend des vétérans, là, puis les vétérans, ça coûte cher, mais ça t'en prend dans l'équipe, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça, là. On est une petite business qui manquait de vétérans, disons. Fait que Jean-Marie, 67 ans, va servir. Jean-Marie est là. Le gars, il travaillait chez Magnan, c'est ça? Ouais, pour Magnan. Ouais, il va ramener le smoked meat, tu sais, puis les ribs. C'est l'instant de ma cuisine mobile. Ça serait. Mais c'est ça, ça fait 6 semaines dans le fond que c'est ouvert ici. Puis, quand même, c'est bizarre, ça fait pas si longtemps. Faut que je m'habitue, tu sais, parce que c'est, mettons, en tant que propriétaire, tu sais, copropriétaire, tu check tout le temps ça. Tu sais, OK, c'est quoi les ventes là, cette semaine? OK, mardi, Chris, il y avait personne, Sti. Oui. Mais tu sais, il était ouvert toute l'année, là. Tu sais, faut que tu capotes à chaque journée, tu sais, qu'il y en a une de moins forte que d'autres. Mais on dit, c'est comme tout le temps l'affût, tu sais, puis l'argent, puis c'est. C'est étrange d'avoir ces préoccupations, ouais, je te dirais. Mais comme n'importe quel projet, je trouve qu'il faut que tu le laisses vivre aussi un peu c'est ça, pour que les gens finissent par prendre l'habitude d'y aller. Puis c'est aussi c'est du bouche à oreille puis tout ça, surtout. Ouais, ben là, c'est ça, on a eu le gros hype du début. Ouais. Vous avez beaucoup de coverage. Ouais, vraiment beaucoup, là. Ça, c'est génial. Puis je suis venu les deux derniers samedis, tu sais, mais samedi cette semaine, c'était plein, là. J'étais content. Ouais. Mais l'autre d'avant, il n'y a pas beaucoup de monde pour un samedi. Mais ça s'est rempli un peu plus tard parce qu'en fait, là, c'est qu'il faisait beau. Ça fait que les gens sont sur les terrasses tant qu'il fait soleil. Ouais. Il fait soleil quand même jusqu'à tard maintenant. Ça fait qu'après ça, ils viennent ici pour terminer la soirée. Mais c'est ça, tu sais, mettons, chez nous, j'écoute Game of Thrones. Oui. Mettons, un vendredi, je suis comme, bon, ben, j'espère que la place est pleine. J'espère qu'on fait de l'argent. J'espère que tout est correct. Tu pourrais faire comme Ellie puis checker avec, à distance les caméras. Ben, je check de temps en temps, là, rien que pour voir de quoi ça a l'air. Ouais. C'est tout le monde, tu sais. En fait, ça, c'est comme un couteau à double tranchant, une épée à double tranchant. Ouais. Parce que, tu sais, tu regardes, tu dis, ah non, il n'y a pas beaucoup de monde. T'as-tu un micro chez vous pour faire comme, hey, lâche ça, toi! Va travailler! Mario, arrête de texter! Ton verre est vide. Voilà, ouais. C'est ça. Toi, en blanc, là. Non, deux c'est heures, c'est t'es des caméras de sécurité qui sont toutes setées, dans le fond. Mais, lâche la même. Lâche la même. Il y a d'autres mondes qui veulent jouer à la même. D'ailleurs, ça, là, quand même. La même est très, très, très, très, très, très populaire. C'est quasiment votre machine la plus populaire ici. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec quelqu'un qui colle à une machine? Je peux pas te dire, mais toi, Mario, t'as-tu vu ça pas mal? Je pense pas qu'on ait jamais dit à quelqu'un, genre, tasse-toi. OK. Ou... Ouais, c'est ça. Parce que moi, ça m'est arrivé au North Star, OK? Ouais. J'étais allé au North Star, puis on avait du fun en sacrifice. Pour les auditeurs, le North Star, c'est le bar de pinball qui est ouvert ici sur le boulevard Saint-Laurent. Ouais, sur le boulevard Saint-Laurent. Très belle place, super cool. Ouais. Staff gentil. Bon alcool, bonne ambiance. Mais, ils ont une pinbot là-bas. Pinbot est... Qui est leur machine la plus récente. C'est ça, c'est la machine la plus récente. Puis c'est aussi une des meilleures machines à boules au monde. Ouais. Faut vraiment que tu joues à ça dans ta vie. Puis nous autres, on est allés là, on est arrivé à 9h, puis on est reparti. Moi, je suis parti avant le monde, mais bref, je suis parti à 1h du matin. Puis Christy, il y a un gars qui est resté là tout le long. Ouais. Tout le long. C'est un main game où il est mort? Ah, il est mort souvent, mais il recommençait. La ça, magie puis... de la gratuité. Hein, ouais. C'est pas gratuit là-bas. Ouais. Tu payes, ah, en plus? Ben, ouais, tu payes là-bas. Ouais, c'est 1$ de la game. En plus, bah, tu sais, le gars, il était pas pire, mais à un moment donné, je trouve, quand tu vois qu'il y a des gens autour de toi, je trouve faut que ça vienne de soi de faire comme, tu sais, de regarder à côté de toi. T'as pas slappé ta pièce sur le côté, mon Dieu, je suis next. Ça a pas marché. On l'a fait. Ah ouais, vous l'avez fait, ça a pas marché. Le gars, il est en tabarnak. Il s'en calisse de toi. Tu sais, c'était un gars, tu sais, je suis pas du genre à juger le monde, mais tu sais, c'était un gars, ouais, je vais le faire, là. Le gars, il avait des pantalons corps du roi, il avait un peu de poils qui sortaient des oreilles, puis tu sais, il avait vraiment l'air d'être un gars, genre un peu ermite, tu sais, qui était pas sorti de toute la semaine, puis que lui, il rêvait de jouer sa game de fucking pinbot, puis il est resté là, Chris, pendant 4 heures. Même si on mettait des jetons sur la machine, les jetons se sont juste accumulés, puis il est pas parti. Fait que, tu sais, moi, en fait, je raconte cette histoire-là parce que j'espère qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui écoute Rétro Nouveau, puis qui, présentement, va des fois à Arcade Montréal, puis qui a peut-être déjà mais fait ça ou quoi le, que ce le soit. Le système mais... de Nex, on veut en implanter un, en fait, puis je voulais avoir des tokens, genre, ouais. Non, je sais pas, 5 différents ou 10 différents, puis avoir un gros crise de pot à token qu'on met au bar, whatever, tu te prends un token, il y a Balbazar dessous, ben Mega Man. Les gens vont les mettre dans les machines, c'est clair. Ouais, ou ils vont partir avec. Plus gros, ça revenait, ouais. Tu sais, comme dans une grande quantité, à 25 cents, le même prix qu'un 25 cents. Ouais. C'est cher, là. Oui, c'est de l'argent. Quand là. Tu dis que tout le monde va partir avec, là, tu dis, Chris, il faut en faire reprinter tout le temps. Mm-hmm. Fait que on n'arrive pas à trouver un système efficace. Ben là, tu n'as pas l'impression que c'est nécessaire parce que, justement, le fait que ta partie soit gratuite, c'est beaucoup plus facile à te délaisser. Ouais. Que si tu as mis de l'argent dedans, puis tu te dis, ben, je veux comme rentabiliser ma partie. Ouais, tout ça. Là, pis, tout à fait. Surtout ça même quand on dirait que plus t'as accès facilement à des jeux, tu sais, quand tu joues à une flashcard, mettons, tu passes pas de temps sur. Si tu joues 30 secondes à chacun, tu joues 30 secondes à un jeu, tu dis j'en ai essayé un autre, j'en ai essayé un autre, puis après tu te tannes, tu sais. Ouais. Puis on dirait que plus c'est accessible, plus c'est facile à délaisser. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Moins tu t'accroches. Parce que moi, je me souviens, la dernière fois que je suis. Non, mais la dernière fois que je suis venu, c'était surtout problématique pour Miss Pac-Man, puis la même. C'était vraiment la même, c'est simple. Tu sais, oui, c'est comme une flashcard, mais Christy, voir tous les jeux qu'il y a là-dedans, ça peut te prendre une bonne heure. C'est comme un buffet, c'est ça. Tu vois tout, puis là, tu finis, tu fais comme. Tu meurs une shot, là, tu fais comme ah non, je vais essayer un autre jeu. Là, tu essayes tout le temps un autre jeu. Moi, j'étais venu, puis il y avait un gars qui. Des fois, le monde se font des bonnes demi-heures. Les Simpsons, là, tu sais, à deux players, mais c'est long, là. Ouais. Ah, il était à deux sur la On n'a pas quatre joysticks. Non, c'est ça, il était juste deux. Mais, tu sais, c'est ça le désavantage aussi. Tant mieux, il y a du monde, mais par contre, les machines plus populaires, c'est dur de les avoir. C'est ça. Les consoles sont tout le temps prises, là. Tu sais, le coin banquette, là, c'est tout le temps prêt. C'est pris, mais je trouve qu'il y a une bonne rotation. Ouais. À date, je n'ai jamais vu comme un groupe qui a collé. Moi-même, en tant que. Je dis pas au monde, je suis propriétaire ni rien. Ouais. J'arrive ici comme un fantôme. Puis je dis, Chris, je vais me faire une game de NES tantôt de Street Fighter aux consoles. T'sais. Puis on réussit, là. Fait que, c'est cool, ça. C'est ça. C'est correct, dans le fond. Tant mieux. Puis en fait, moi, ça me surprend à quel point. Nous autres, on est habitués. Puis, tu sais, on a toutes sortes de consoles à la maison. Puis. Jouer au 64, c'est pas quelque chose qui est inaccessible. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces consoles-là à la maison, puis qui venir ici, puis jouer au 64, c'est quelque chose de spécial. Ouais. Ouais. À chaque fois, c'est comme surprend. Le monde, ils viennent ici pour jouer au GameCube. Non. OK, cool. Je peux comprendre, tu viens pour jouer dans une ambiance. T'sais. Mais tu sais, nous autres, on est un peu collectionneurs. Fait que, avoir accès à ces consoles-là, c'est super facile. J'ai l'impression que pour les gens en général, dans leur tête, c'est pas accessible. Ben, ça fait que le fait de. Le monde, c'est comme ça. Le monde ça aussi joue à Smash. Tu joues à Smash chez vous tout seul. Non, c'est pas pareil. Mais ben, Chris. Mais moi, je parlais à des collègues aussi. Faire le monde d'argent, le dit, ouvre un bord de Smash, man. Juste Smash. Ouais. Ça va être plein de Mais le monde, il y a beaucoup de monde qui disent ça. Comme, oh, ouais, il y a un Atari, tu sais. personne joue ce type au ouais, exact. Non, mais on est en train de payer la bière à celui qui va jouer. Ben c'est ça, tu sais, pour certaines personnes, c'est pas si évident ou ça leur tente tout simplement pas d'aller chercher la dite console. Pis... Mais fait ça, ça m'est arrivé ce qui t'est arrivé l'autre fois, man. Il y a quelqu'un qui gossait sur le Super NES, clac, clac, clac, clac, clac. Là, je dis, ah, ça marche pas, faut que tu s'ouvres dans la cassette. Là, je regarde, pas de cassette. Je dis, ouais, ça marche pas. Ouais, mais faut que t'ailles te chercher un jeu. Ah, ok. C'est comme. Ben oui! C'est pas magique! As-tu déjà vu une console de jeu avant? Faut que tu mettes des cartes dedans, tu sais. C'est du monde qui viennent qui n'ont pas joué à ces consoles-là. Puis je trouve ça bien en même temps. Ouais. Puis en même temps, ça me fait rire quand genre, je vois quelqu'un jouer après à 64, il n'y a pas de cassette dedans. Puis comme, comment ça marche pour les jeux? C'est drôle, là, comme trop 4 après à la console, à la regarder. Ça marche. En 88, tu sais, puis venir ici. Les ingénieurs. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui se passe. Ouais. Non, non, mais même. Parce que maintenant, les consoles, t'as plus besoin. Depuis Atari jusqu'à GameCube. Oh, ouais, mais imagine une console, même PS4. Faut que tu mettes de quoi dedans. Ouais, mais un kit de 20 ans. C'est ça. Ouais, mais à cette heure, là, c'est ça. Ouais, mais il y a du monde qui était pas là, là, quand on est des vieux. Non, mais c'est pas des jeunes, c'est pas des gars de 18 ans qui sont là. Puis il y a pas des jeux built-in dans une 64. Ben attends, c'est pas ça, là. C'est vraiment du monde qui ont jamais joué à des consoles de jeux de leur Sega vie. Master System, qui ont jamais eu de jeu, puis qui ont joué à Labyrinthe toute leur vie. Ils ont joué à Nintendo, je vais essayer. Il n'y a pas de jeu. Ouais, c'est quand ça. Je boucle la console. Ah, ben. En tout cas, c'est peut-être du monde qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo anyway puis qui veulent juste venir ici parce qu'ils ont vu le hype et se demandent c'est quoi. Exact. Mais en tout cas, man, c'est ça pour dire qu'on en voit de tous les modèles. Hey, avez-vous vu le trailer du film d'Assassin's Creed, vous autres? Paraît que ça a l'air bon. Je l'ai vu sur mon téléphone. Je l'ai en partie, moi, avec, mais pas de façon attentive. Là. Moi, je l'ai écouté attentivement. Premièrement, le petit Kanye West là-dessus, c'est vraiment de la merde. Il y a comme. Ouais, c'est plutôt un choix musical. On dirait qu'il est dans le Danger Room. Ouais, ben c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui ont chialé sur le fait qu'il y avait trop de sci-fi futuriste par rapport au côté à Street. Ça n'a pas rapport, ouais. Mais je pense qu'en plus de ça, aujourd'hui... Là, t'es rendu ami avec... Tu l'appelles à Screech. Moi, j'ai toujours appelé ça à Screech. Je trouve ça drôle. Mais en fait, c'est ça. Là, je ne chercherai pas l'article parce que ça va être trop long, mais il y a un article aujourd'hui qui confirmait qu'en effet, il va y avoir plus de scènes du présent que de scènes du passé. Fait que... C'est pas rapport, mais... Ben, écoute, c'est parce que je pense que... C'est quoi donc? C'est pas la... J'ai juste Amiibo dans la tête, mais c'est pas ça. En tout cas, Animus. L'Animus, merci, Mario. Ben, c'est ça, il va y avoir plus de scènes d'Animus avec des gros bras en métal qui te pognent dans le dos pour t'amener à terre. Puis Michael Fassbender va se faire Fassbender. En même temps, ça fait du sens. Tu sais, point de vue réalité... production, parce ouais, que ben c'est ça. Parce que tu veux recréer une époque, mais là tu veux pas tourner le trois quarts sur les écrans en vert, ça va être plate un peu. Juste un voyage en Italie. Sinon, mais en même temps, tu sais, d'un point de vue narratif, là, tu sais, ouais. Si tu regardes Assassin's Creed, ce qui se passe dans le passé, là, mm-hmm. C'est des gars qui courent sur des toits. Oui, c'est natif pour ça. Fait que tu veux pas une heure et demie non plus de parcours. Le parcours. Puis, tu sais, ce qui se passe souvent au niveau intéressant narratif dans les jeux d'Assassin's Creed, c'est quand, il y a des moments où tu reviens au présent. Ouais. Tu trouves que là, l'avance. Puis que là, l'histoire. Je sais pas, les fans, ben, tu sais, j'ai mon opinion par rapport à Assassin's Creed. Je pense que c'est plus facile à écrire. Ouais, c'est ça. Dans le sens que c'est mais là que l'histoire mieux avance. Les affaires dans le passé, quand même. Toutes les bouts où tu rentres dans l'animus. Sauf que là, tu fais un film d'époque, dans ce moment-là, puis ça devient vraiment autre chose. Ouais. Tandis que si tu fais une histoire que c'est vraiment le go présent par rapport à Abstergo et tout ça, mm-hmm. Je pense que c'est plus réaliste au niveau de la... Mais là, toi, j'y crois pas à ce film-là. Toi, t'as l'air d'être un fan d'Assassin's Creed. Ben, plus ou moins. J'ai joué... j'ai beaucoup aimé le deuxième. Le premier, j'ai pas vraiment joué. Puis... Là, ça s'arrête. Moi, le deuxième, je suis mort dans le tutoriel où est-ce que je rattrape mon frère sur le toit. Je l'ai jamais réussi. J'ai dit, hey, de la merde, Chris, de jeu de merde. Le troisième, j'ai pas joué. J'ai jamais réussi. Calé. Puis le quatrième. Fait de même. Le quatrième, j'ai essayé un petit peu. Puis contrairement à trois quarts des gens, les bateaux, ça me fait chier. Contrôler les bateaux, ben je moi, comprends c'est ça pas qui a ce qui se passe. Raison de moi, je comprends pas ce qui se passe. Puis là, je meurs tout le temps. Puis je suis comme écœuré. Puis là, j'ai. J'avais fait la critique en fait de ce blog de le plus récent Syndicate. Ouais. Je l'ai pas terminé, mais de temps en temps, j'y rejoue pour. Puis j'avance. Puis là, je trouve le fun parce qu'il revient un peu à la base de c'est quoi Assassin's Creed, mais bonifié. Comme ils ont rajouté l'espèce de grappin comme dans Batman qui te permet de monter les buildings plus rapidement, puis tout ça. Puis l'histoire est le fun. Finalement, le personnage féminin intéressant, principal. Puis le fait Aveline. Non, c'était pas Aveline. C'était ça Aveline qui était dedans? Aveline de Grand Prix. C'est pas Aveline, c'est. J'ai oublié son nom. C'est pas grave. Mais c'est elle puis son frère. Ok. Nous l'appellerons Billy. Nous l'appellerons Billy. Tu peux switcher entre les deux personnages. Puis la dynamique entre les deux est le fun. Yeah, oui. Puis tu sais, j'aime beaucoup. C'est l'univers de Londres 19e siècle. Mm-hmm. Je trouve que c'est une opportunité manquée que Jack the Ripper soit juste un DLC. Ouais. J'ai l'impression que Jack the Ripper aurait dû être comme dans l'histoire principale puis que ce soit un assassin. Mais ça aidait à vendre le DLC quand même. Non, c'est attirant. Mais il y a beaucoup de personnages historiques. Le fun que tu rencontres, il y a Charles Dickens, il y a d'autres. Là, j'ai oublié. Mais justement, en parlant de films, là. Et Nintendo qui va faire des films. Là. Moi, j'ai vu l'annonce. Moi, j'ai pas lu l'annonce. Ils vont faire des films, mais ça sera pas des films. Mario Bros. 2. Ouais, non, c'est ça. Vu l'horreur de Mario Tennis, Bros. Tennis, le film. Tennis, le film. Mac Ryder, man. Moi, j'aime le jeu de lutte, mais même pro wrestling. Excitebike. Sérieux, tu sais. Ouais, l'histoire d'un gars, tu sais, qui veut faire du motocross. Ah, toute sa vie, man. Mais tu sais, il brûle tout le temps son moteur. Il est pauvre, il vit dans des petits trailer park, tu sais. Il y a tout le temps des vieux motocross qui brûlent. Eh oui. Il donne tout le temps des coups de roue au gars en arrière. Il coupe tout le monde, c'est le même qui gagne, man. Le tram sonore est malade. Hey, ça sent. Exact. Ouais. Ton encore. Vraiment loin de ta moto. Fucking loin. Mais du long gazon. Du marécage. Tu sais, c'est long, là. Wow, mais là, ça serait hot, là. Les trous de boîte, impossible. Ça serait malade. Non, mais en fait, c'est ça. Ils ont dit qu'ils vont faire... Ils vont faire des films animés, ça sera pas du live action. Fait que t'auras pas un. On m'a un dit que Star Fox vrai. Tu vas avoir un c'est Star ça. Fox animé ou en 3D. Le dernier 3D. Star Fox, George ça va Clooney être bon. Oh, le monde semble dire que ça va être ça. Là. Ouais. Il y a beaucoup d'animation, là, filmographie. Ben, ils ont des personnages intéressants qui sont le fun à développer. Mais c'est ça, mais là, il disait que. Ça va être ça. Ouais. Ça sera pas des films avec. Non. Fassbender. Ouais, ça sera pas que Fassbender. Pas que Fassbender. Mais on est déjà sorti, en fait, je pense qu'en Pikmin 3, il y avait sorti Pikmin, ils ont sorti des petits films d'animation qui étaient comme un test, justement, parce qu'ils parlaient déjà d'un intérêt de faire des faire films d'animation. Créer Nintendo. Mais Nintendo aussi, qui est toujours l'éléphant qui marche en arrière tranquillement puis qui fait son petit chemin, ben, ça sera pas avant 5 ans encore. Fait que... Wow! Ben, on va avoir 41. C'est ça. Ils ont tellement eu une mauvaise expérience avec Mario. Mais c'est ça, ils ont eu une mauvaise expérience avec Mario. Pas, mais ça, ils ont licencié, c'est ça l'affaire. Hein. Ouais. Ouais, ils en ont licencié du stock dégueulasse. Ils en ont fait de la merde. Quand ils faisaient des céréales et tout de kids en 85. On le voit dans les fun facts aussi. Mais Jeff nous sort tout le temps des cochonneries. Tout ce qui n'est pas bon. Jeff nous sort tout le temps des cochonneries. Ils l'ont licencié. Je pense qu'ils ont appris. Tu sais. Ouais. Si tu regardes les dessins animés de Mario Bros. Ouais, mais là, revenez, ça fait 30 ans, là. Non, moi, je m'en calisse, ce qu'il y a en face, man. Ouais. Je vais être, non, okay. faut qu'il revienne. D'ailleurs, il était supposé y avoir amené un film de Metroid. Ouais. Puis là, ceux qui travaillaient sur le film, ils ont commencé à poser plein de questions à Nintendo. OK, mais c'est quoi le backstory de Samus? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mm-hmm. Puis là, Nintendo, ils ont eu peur. Ils ont fait comme, oh, c'est pas nous autres qui avons établi ces choses-là. On va en perdre le contrôle de notre propriété. Ça fait que on va backyard de ça. OK. Puis je pense que c'est ça qui a amené que dans Metroid Other M, ils ont comme ouvert la porte à plus de backstory et tout ça, parce qu'ils se sont dit c'est nous autres qui va l'établir. Avant c'est pas Ridley Scott puis il fait faire Metroid. Ouais. ça serait génial. Avec Ridley dedans. Ouais, avec Ridley Scott. Hey, je veux parler d'un jeu, si vous me le permettez. Vas-y fort. Tu sais, le fameux shmup qui était supposé, qui est sûrement sorti au 360, qui est un cartoon des années 50 en noir et blanc. Ah, ouais, Cuphead. Ouais, Cuphead, c'est-tu sorti, ça? Non, c'est pas sorti encore. Holy shit, man. Ça, ça sera pas au 360, ça, c'était au Xbox One. Oui, on Xbox, Xbox One, excusez, ouais. Ouais. C'est, non, il est pas sorti cette année, hein, il y a une date... quelque part cette année, il me semble. C'était mai, il me semble. Hey, j'ai-tu envie de jouer à ce jeu-là? Un peu. Je capote. C'est que je veux jouer à ça. Mais moi, je veux jouer à ça, puis je veux jouer au nouveau jeu des créateurs de... Des créateurs de voyons, Calic, le petit bonhomme en noir. Game & Watch. C'est clair, en esti. Game & Watch? Non, pas Game & Watch. Le petit bonhomme en noir. Non, le petit bonhomme en noir, c'est... petit bonhomme qui meurt tout le temps en noir. Limbo. Limbo, exactement. Ah, ouais. Merci. Wow. Je pense que c'est Playdead, la compagnie. Bref, ils ont un nouveau jeu qui va sortir aussi, qui est excellent. Mais là, attends un peu eux autres. J'essaie de trouver une date de sortie. C'est ça, ça a été... ils en ont plus. C'est quelque part 2016. Ils en ont plus? Non, je regardais récemment, puis... Ah ouais, ça a l'air vraiment beau, là, mais... C'est sur PC, ce jeu-là. Je me demande si Mighty No. 9 va avoir le temps de sortir avant. Hey, ouais. Mighty No. 9, là. Ça niaise en hostie. Ouais, eux autres, ils écrivent 2016, mais ils savent plus, exact. Là. Il n'y a plus de date. Ouais, okay. Parce qu'avant, c'était mai, puis là, ouais, c'est mais fini, c'est ça. Là. Mais ça va être compliqué, quand même. C'est un beau jeu, là, puis... C'est super beau. Mais peut-être c'est ça, c'est super beau, puis finalement, ils se sont rendus compte que c'était vraiment pas bon. Ouais. Mais, tu sais, on parle... Mais je regardais le gameplay, ça a l'air bien. Non, c'est encore super, hein. Il y a du matériel qui est disponible, c'est très beau. Oui. On parle de jeux qu'on aimerait jouer. T'sais, moi, je tiens à mentionner que j'ai vraiment voulu jouer au bêta d'Overwatch. Puis, ouais, c'est vrai. C'était vraiment une belle soirée. T'sais. Ma blonde s'était couchée tôt, mes enfants dormaient. T'sais. Puis c'était le bêta le deux week-ends. Puis moi, j'avais downloadé ça sur PC. Je l'ai installé, tout va bien. Je m'ouvre une Guinness. Je m'en vais dans mon sous-sol, mon gaming lounge. T'avais-tu ton pyjama préféré? J'étais en mou. Ouais, hein? Je peux pas dire exactement. Et t'avais tes bottes de pluie en latex pas loin. J'avais mes pantoufles. Tu portes au 20 ans à la main. J'aime ça pas croire au monde que t'es un fétichiste. De bottes de pluie. De bottes de pluie, c'est ça. Donc, en tout cas, j'étais attriqué comme vous voulez m'imaginer. Puis je m'en allais jouer Overwatch. Fait que là, je suis là. Je me log en ligne. Ça va bien. Ouais. Ça a l'air superbe. T'sais, j'avais joué à des bêtas dans le passé d'Overwatch. Je trouve ça a l'air d'un excellent jeu. J'ai vraiment hâte qu'il sorte. Puis là, je vois Eric Hébert en ligne. T'sais, puis qui m'invite à son groupe. T'sais. Puis là, je suis comme de geek collectif. Puis d'ailleurs, c'est lui qui fait vos soirées à Arcade Montréal. Ouais, écoute, nul autre tout, que l'animateur. Partout. Mais là, je me dis, oh yes, un party, ça va être le fun. Fait que là, il arrive à un moment donné, tout gèle. Ah, ok, c'est cool, ça fait ça des fois, tu sais, ça arrive. Là, je repars, puis là, ça regèle. Trois fois, tu sais. Là, je sais c'est quoi, tu sais. Mon SSD, il meurt des fois, tu sais, puis il est tranquille. Là, je me dis, ah, il va vivre encore, c'est correct. Il y a encore de la vie là-dedans. Mais là, il a décidé de mourir le week-end de Overwatch, tu sais. Là, je suis comme, j'ai un backup de hard drive, qui a rien dessus, que je dois faire à un moment donné. Je vais juste réinstaller mon image là-dessus. Fait que là, je suis comme... Finalement, j'ai pas joué, OK? Fait que c'est pour toute cette raison incroyable que j'ai finalement atteint Silver à Street Fighter V. Je me suis comme... j'ai jeté mon dévolu de gaming là-dessus puis j'avais jamais le temps de jouer, tu sais, à Street Fighter V autant que je voudrais, tu sais. Puis là... Es-tu satisfait de Guile? Il est le fun, il est bien, honnêtement. Je joue pas avec lui, je l'ai essayé comme il faut. C'est qui ton personnage? Je suis revenu à Bison, qui était mon main dans Super Fighter 4. Ah ouais, Bison? Ouais. J'ai essayé, j'ai une petite aventure avec Laura dans Street Fighter 5, mais je suis revenu avec Bison en tant que tel. Moi, j'ai toujours, à toutes les fois que je voyais quelqu'un prendre Bison à Street Fighter, ça me faisait tout le temps comme « Ah, c'est-tu tricheur? » Ben, tout le temps, il prend le boss de la fin, c'est juste tricheur. Mais il est bon, il est quand même... il est pas top tier, mais il est quand même très bien placé au niveau du jeu. Là. Ouais, mais très le fun. D'ailleurs, là-dessus, là, pas que j'oublie, là, allez voir Street Fighter in Real Life. C'est IRL ou je sais pas trop quoi. C'est du monde qui ont fait un court-métrage là-dessus qui est hilarant. Puis justement, il y a Bison dedans. Ah, tu me l'avais envoyé, excellent. C'était vraiment bien. C'est super drôle. Mais oui. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'essayer le Open Beta d'Overwatch sur PS4. Puis, je trouvais ça génial parce que t'as vraiment une panoplie de personnages différents. Ouais. Puis chaque personnage est vraiment unique de la façon qu'il joue. Tu sais, d'habitude, dans tous les FPS, t'as un bouton pour sprinter. Ben là, il y a un personnage qui peut sprinter. Mm-hmm. Ça devient vraiment un avantage pour ce personnage-là. Tu sais, il y a un personnage qui fait juste. C'est quasiment. Tu sais, son gun, c'est quasiment juste des. Comme un bazooka. Ça fait que ça tire pas vite. Mais elle peut comme sauter haut dans les airs puis tirer les autres d'en haut. Puis il y a un personnage qui a juste un gros marteau. Ça fait que il y a une attaque de loin, mais tu peux pas, il y a comme un cooldown, ça fait que tu peux pas l'utiliser ouais. comme tout le temps. Puis sinon c'est plus comme un tank où est-ce que tu peux avoir comme une espèce de gros shield qui apparaît puis tout ça. Ça fait que t'as vraiment des classes de personnages. Il y en a qui sont plus support où est-ce qu'ils vont healer les autres personnages. Il y en a qui c'est vraiment genre foncer dans le top puis faire du dommage, d'autres qui seraient plus défensifs puis qui vont créer des shields, des choses comme ça, puis que là c'est comme stratégique, tu te mets derrière le shield. Ouais. Puis honnêtement, tu sais, le jeu il est parfait, mais moi personnellement je l'achèterais pas parce que un jeu comme ça, c'est un jeu arena, tu sais, c'est du PVP, il n'y a pas de campagne single player, c'est vraiment c'est comme un MOBA, mais FPS, tu sais, c'est vraiment... Là, il y a deux jeux en bêta qui sont... Ouais, parce que c'est ça, Battleborn, j'ai plus le goût du jeu. Mais Battleborn, je pense qu'il est sorti officiellement, okay. Tandis que Overwatch est encore en... Ouais. Le bêta, il est terminé, je pense qu'il sort. Ouais, sort fin mai. Là, beaucoup de pubs à AMC de Battleborn. Là. Ouais. tout le temps. Mais tu sais, le Edge à date, là, tu sais, je vous dirais, en tout cas pour moi, là, Overwatch m'intéresse parce que c'est vraiment comme si... Est-ce qu'ils ont entendu quelqu'un qui crie de mort? On est à Montréal. Ils ont entendu comme badang au deuxième étage. C'est la machine à glace. Ouais. C'est des gars dans Ruelle qui se piquent. Wouah, c'est vraiment du bon stock! Ouais, c'est ça, Montréal. C'est Montréal. C'est surtout ça le quartier latin. Ouais, les latinos, man, quand c'est latin. Ouais, pour revenir avec ce que tu disais par rapport à ça, oui, c'est comme un MOBA mélangé avec du Team Fortress. Puis avec une touche de direction artistique de Disney ou de Pixar, tu sais. Ouais. Tout ça ensemble, ça fait l'espèce de gros truc. Tu mets ça en blender, puis ça sort assez bien, tu sais. Ça, ouais. ça donne un smoothie bon. Qui a l'air délicieux. On l'attend, Overwatch, la version finale. C'est un jeu de Blizzard, là. Ça le finit dans un jeu de Blizzard. En effet, puis c'est pas leur genre habituel, mais Krim, ils ont fait leur devoir, puis ça a l'air bien. Mais oui. Mais Battleborn aussi, je pense que ça va être un autre gros canon. Là, fait que, on va c'est voir juste le look vont... de Battleborn, c'est Battleborn tellement puissant. Là. Cool, ouais. C'est beau, là. Les personnages, moi, les personnages allongés qui ont des mains pas possibles, je trouve ça c'est malade. Ça ressemble à Team Fortress beaucoup. Ressemble à Team Fortress. C'est vrai. Toi, Dan, tu vas choisir lequel, Battleborn ou Overwatch? Overwatch, man. Overwatch, hein. T'as un gars des affaires qu'il y a Watch dedans. Ouais. Over, tu sais, je faisais bien l'Over dans Watch le temps. Je jouais à Watch Ouais. Hey, justement. T'es un gars de Blizzard, là, tu joues au premier Dabo, là, sur ton vieux PC. Ouais. Je comprends même pas ce que tu dis. J'ai joué à Circus Charlie en malade. Ah ouais, chez vous, ça? La fin de semaine passée. Puis c'en était triste un peu parce que j'étais avec mes enfants. Puis là, je leur montrais, tu sais, des jeux de NES. Puis là, eux autres, ils disaient, voyons, c'est pas faisable ce jeu-là, c'est mauvais. Crime, on joue ça à Wii U à la place. Là, je dis, non, checkez ça. Puis là, j'ai fait Circus Charlie au complet. Puis j'arrêtais pas ma game. J'étais comme, m'a réussi. Puis eux autres, ils trouvaient ça épouvantable. Ah ouais, je sais, man. Parce qu'ils n'ont pas compris aussi le saut avec le lion, là, que tu peux sauter, mais tu peux gager ton saut par en arrière puis tout. C'est des mécaniques rudimentaires et très anciennes pour les enfants d'aujourd'hui. Mon gars de 8 ans, il va avoir 8 ans, puis il n'est pas capable. Non. Il est juste pas capable. C'est voyons donc, Chris, c'est facile. Voyons donc, c'est Circus Charlie. Voyons donc, non, mais... Tant! Mais non, va donc te coucher! Des irrités pour ça. Mais là, man, il joue à Smash là, sur Wii U. Là. Il est tellement là-dedans. Là, il a débloqué tout le monde. Il vient de débloquer Dokkan. Puis, tu sais, comme. Il a débloqué Game & Watch. Puis, il est là-dedans en esti. Là. Ça le fascine. C'est quand même un jeu complexe. T'sais, fait que les mécaniques sont même plus complexes que ça. Je le bats en faisant n'importe quoi. Ouais, mais tu sais, j'ai des techniques de combat. Mais lui, il bloque pas. Il est comme full-on rage dans la face. Fait que, tu sais, je l'ai de même. Mais ça pour dire que malgré tout, tu sais, ça le fascine, là, ça. Il y a assez ouais. ça, là. Puis les jeux de Wii U, tu sais, j'ai acheté Splatoon aussi. Il joue à Splatoon, ouais. il ne catch pas, tu sais. Il joue à 50% tu sais, de la capacité de ce qu'un personnage peut faire, là, genre. Mais moi je participe même pas, là. Quand il fait ça, je suis comme, ouais, je vais faire mes affaires. Ouais, c'est ça. Oh, mon gars, c'est vrai. Je vais aller jouer à un jeu qui a Watch dedans, tu sais. J'ai sur Internet. Mais j'étais tombé sur un article. À propos d'un père, que ce qu'il a fait, c'est que son fils, il a pas donné accès à toutes aux consoles modernes. Il a dit, je vais y faire passer à travers l'histoire du jeu vidéo. C'est qu'au début, il donnait juste accès, genre, à Atari. Puis là, il jouait juste à l'Atari. Puis après ça, genre, NES, super. Puis là, il a tiré avec un 12. Non. Puis là, son petit gars, il est devenu comme super bon à ces jeux-là. Il a vraiment développé des skills où est-ce que tu jouais juste à ça fait que tu deviens bon à ça. Ouais. Le petit kid, il a genre 8 ans, puis il a genre. Ouais, là, il est comme rendu dans un jeu moderne, mais il a fini Spelunky, genre au niveau le plus difficile. Fils. Ah ouais, c'est ça. Hein, c'est ça, tu sais. Ça l'a vraiment développé des skills de jeu tough, puis là, ouais. il finit des jeux comme. Moi, je me rends au troisième tableau. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dur, Spelunky. Moi, avec, j'ai trouvé ça dur. C'est super tough. Ouais, lui, il a comme formé un pro. Il a fini le. Il y a genre 8-9 ans, là, puis là, il a comme fini Spelunky au niveau le plus difficile que tu peux jouer le jeu. Là, puis, Mais y a-tu des bonnes notes hein, ouais. plus grandes que la nôtre? Oui. Ouais. Ah, vraiment. Fait sérieux, que c'est juste une question de à quoi t'es exposé, à quoi t'es habitué. Ouais. Ouais. Puis, oui, jouer genre un jeu d'Atari, c'est beaucoup plus simple que jouer à Smash. Mais c'est un autre langage. C'est fait que si t'es comme exposé à un langage, c'est beaucoup plus difficile d'en adapter à ouais. un autre. T'sais. Ouais, absolument. Parce que moi, mon gars, il me clenche solide à Plants vs. Zombies. Il est rendu à un niveau où. Lequel, là? Je suis incapable de le battre, en fait. Les premiers. Là, il joue au deuxième. Non, pas Garden okay, Warfare. Il est vrai, là. Garden Warfare, on a commencé, tu sais, puis il aime ça. Yes. Mais lui, les vrais traditionnels, c'est vraiment. Il capote là-dessus. Il parle yang de tellement... ça. Il parle yang de ça. Pour vrai, il parle yang de ça. Ben oui. Des plantes de glace, là. Non, c'est vrai. Je penses-tu que si j'en mets trois à place de une? Mais, man, il regarde YouTube, il regarde des affaires de Plants vs. Zombies pour savoir comment être meilleur. Ouais, ouais. S'il joue, il joue à Plants vs. Zombies 1 ou 2, il joue sur l'iPad, sur mon téléphone, sur ma PS Vita, sa 3DS. Tu sais, il joue c'est que obsédé, ça. Là. Il est vraiment obsédé par ce jeu-là. Il veut une fight de Plants vs. Zombies. C'est hot. Hey, tu m'inviteras. Tu vas jouer avec lui. Fait que c'est ça, mais tu sais, c'est hot, ben c'est ça. Tu sais, mon gars, il a 4 ans, puis il arrive quand même à. Moi, c'est ça qui m'épate à cet âge-là. Il arrive, eux autres, là, ils se concentrent à un but, à quelque chose, puis ils peuvent devenir vraiment meilleurs que nous autres. Là, ouais, mais c'est ça. C'est parce qu'eux autres, tu sais, ils ont deux choses à. Ben, deux. Ouais, ils ont rien à penser. Puis ils vont à l'école. Ouais. Puis à part ça, c'est jouer. Ouais, that's c'est, it. C'est ça qu'ils ont puis à penser. Puis même aller à l'école, c'est un peu jouer à ce stade. Ouais. Ben lui, en tout cas, lui. Ah, oh, ben ouais, ans. Moi j'ai mon ouais. gars de 8 ans dans la tête, là. C'est mais, tu sais, ouais, il va à l'école puis tout, puis il fait son sport d'affaires, mais tu sais, tout est quand même encore autour du jeu tout le temps. Ouais. Fait que moi-même, à cet âge-là, tu sais, quand je joue à des affaires, tu sais. J'ai full focus là-dedans. Ben oui. Rien que ça à faire. Ben oui. Aujourd'hui, mais tu sais, on est des adultes, man. On va avoir 40 tonne ans. Tonne de choses à penser. Chris, quand le frigo a lâché chez nous hier, là, ben d'autres choses à penser que genre m'améliorer à Smash. Là, la bouffe, hostie, on perd la bouffe. Ah, on est en train de faire de la peinture. Tabarnak. Qu'est-ce qu'on va manger pour souper les lunchs? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, tout ça, ça brûle d'énergie dans une après vie. Ça, comment je déborde le chien de Doc? Après ça, j'arrive à m'asseoir. Ça me tente plus que ça soit compliqué, tu sais, il faut que ça Hello. Soit simple là, parce que des grosses journées là, c'est vrai ça. Fait que eux autres ils ont des belles petites journées puis moi je me rappelle quand j'empruntais des jeux de Nintendo à mes amis au primaire. Quand le gars il m'a prêté Double Dragon 2, je suis comme ouais. Waouh, joue à ça tout le temps, tu sais, rien que ça à faire, puis c'est ma vie. Castlevania, c'était ma vie, tu sais. À cette heure, les jeux sont plus ma vie. Je peux pas triper assez puis être dedans le jeu, puis comme y penser le soir tout ça. Non, puis aussi te concentrer sur un jeu. Ouais, non, c'est ça. Il y en a avant, tellement. Avant, tu louais un jeu puis c'était comme, ben, sorry, c'est celui-là que t'as loué, c'est celui-là que tu joues. Exact. Tu te forçais, mon gars, comme tu un malade. Quand même. Ouais. Ouais. Tu sais, pour moi, Zelda c'est 2, c'était une obsession. Là, ouais. Genre, parce qu'il y a plein d'affaires que j'arrivais pas à faire dans ce jeu-là. Ça fait que tu passes ton temps à imaginer tout ce que t'es prêt à le faire. Puis, t'imagines c'est quoi la fin du jeu parce que tu jamais tu vas l'atteindre. Ah, la fameuse porte que je suis pas capable de passer parce qu'il me manque de qu'est-ce quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Un jour, elle va s'ouvrir, cette porte-là. Ça, c'est vrai en Christ. Alors, c'est vraiment maudit. Hey, Nick, tu parlais d'un jeu que t'arrêtes pas de vanter, Valkyria Chronicles. Ouais. Il leur sort Remastered sur PS4. Sur PS4, oui, c'est vrai. Je pense Ben Gagnon m'avait flagué dans cette. C'est malade, ça. Ouais, ça, c'est. Puis d'ailleurs, c'est là-dessus, moi, il y a un jeu. Je sais pas si les auditeurs peuvent m'aider, là, mais présentement, je me cherche un RPG comme Dragon Quest, mais sur PS4, ou en tout cas très récent. Parce que là, Dragon Quest, ils ont sorti un Dragon Quest Warriors, qui est comme un Dynasty Warriors, mais avec Dragon Quest. C'est magnifique comme jeu, là. C'est hyper coloré. Puis moi, ce que j'aime de l'univers de Dragon Quest, c'est que c'est pas dark, tu sais. Ouais. Souvent, les RPG, c'est tout le temps ça. Les RPG, là, c'est gris, brun, puis noir, tu sais. C'est tout le temps comme dark, tu sais. Puis j'aimerais ça d'en avoir un qui est bien coloré, tu sais. Puis Final Fantasy. Nino Kuni, tu disais, là. Ouais, ben ça, Nino c'est coloré, Kuni. Ouais, c'est ça. Beau, Nino Kuni, j'aime bien. Mario Paper Challenge. Ouais, mais c'est ça, mais j'aimerais ça d'en avoir un comme PS4. Encore plus next-gen, là, PS4 ou Xbox One, pour pouvoir justement profiter de ça, parce que sinon, tu sais, je joue aussi à Xenoblade, mais Xenoblade, encore là, pour moi, c'est pas assez heureux, tu sais. Il y a comme un côté très naïf et heureux à Dragon Quest que j'aime vraiment beaucoup, que dans Zelda aussi, là. Il y a pas tant que ça d'équivalent, là, mais t'as raison, c'est des franchises comme ça, là. C'est pas vraiment, là. Ben, c'est Dragon pas Quest, dur. Puis tu l'as dit, Zelda, plus d'aventure. Ben, ça fait combien de temps qu'on fait ça? 5 ans, je pense? Ouais. Puis à chaque 2-3 épisodes, subliminalement, je nomme Shining Force au Genesis. Ouais. Je pense que t'es dû pour te rendre compte qu'il faut que tu joues à ça. Tu fais là ouais, c'est ça. Tu me faut mettre des posts, là, genre, hey, merci, j'ai livré de Shining Force 2. Le Bruno. Premier, même, en plus. Hashtag Bruno. Mais là, attends une minute. Bruno. Mais là, Shining Force, si Chris, il y a ça sur 3DS ou quelque chose, j'ai vraiment le pogné. Il l'a-tu? Je sais pas, mais s'il l'a sur Virtual Console, on a le pogné direct. Tu l'essaieras, mais c'est du tactique. Tu déplaces tes personnages sur non, mais j'ai... l'échiquier. Est-ce que c'est drôle ce mot-là? Un échiquier. Excusez, ça va tout le temps fucker. Non, mais moi, je jouais beaucoup à Advance Wars. Ah, ben, c'est... Ça a été un de mes jeux préférés, tu sais. Ouais. Tu sais, avant, tu sais, quand j'avais bien du temps dans la vie. Mes jeux préférés, c'était Advance War puis Golden Sun, qui n'ont aucun rapport au jeu auquel je joue maintenant. Ben oui, c'est ça, je regarde ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à un moment donné, j'ai perdu du temps, puis j'étais tanné que ça niaise. Ben, pis, la job, les études, c'est les bébés. Puis, Fire Emblem, tu pisserais à terre, littéralement. Là, c'est la même compagnie qui a fait Advance ouais, War. Oui, mais Fire Emblem, encore là, je checkais. Bon, tout est bon. Ben, j'en parlais avec Mario. Mario, il disait, c'est Fire Emblem? Puis là, j'avais vu ta critique, tout ça. Je me suis dit, ça a l'air intéressant. Je suis allé voir le trailer. Encore gris, brun, pis noir. Hein? Oui! Ben là, t'as rien qu'à jouer avec le You de ta télé. Non, mais même mon les background, c'est gris, brun, pis noir, pas mal, là. Tu sais, c'est beige. Des menus, je suis d'accord. C'est comme des parchemins, tu sais, c'est ça l'affaire. Ah, mais même, je regardais le trailer, là, c'est bon, aussi. Ben là, il va falloir que tu changes ton. Ouais, il va falloir que je change ma façon de mais penser. Je pense. C'est pas un RPG, mais tu sais, King's Quest, moi, c'est. Le feeling que j'ai eu, c'est d'écouter un dessin animé, puis le fait que ça m'a fait penser à Princess Bride. Ouais. J'avais le plaisir à jouer à ça comme si j'écoutais genre un film qui a marqué mon enfance. T'sais. Ah, c'est cool ça. Ça fait qu'il y a ce côté-là, enfantin, le personnage de Graham qui est très naïf, mais, mais qu'à un moment donné, tu sais, naïf, mais il vit quand même des vraies émotions. Il y a un moment donné, un personnage qui meurt. C'est qui, puis genre, ça l'affecte vraiment, mais ça reste, tu sais, cette espèce d'univers-là très, très coloré, très enfantin, mais qui s'adresse quand même à un adulte. Ah, c'est bon, ça. Mais c'est pas un RPG. Non, c'est ça. Mais je pense Valkyria Chronicles... C'est pas, beau, c'est coloré. C'est ça, comme, c'est ça, c'était vraiment comme beau, là. En fait. C'est ouais. Très beau. C'est super là, beau. C'est pas dark, là. C'est très, très beau. Moi, je suis vraiment superficiel parce que j'aime ça. Si tu vas à Saint-Tite, faut que tu t'enlèves les bottes de cowboy. Exact. Non, mais... C'est pas d'un RPG, man. Et si c'est accepte beau... les couleurs. Ouais. Mais si c'est beau, palette de ça va encore plus me gagner pareil, là. Tu sais, comme... Justement, Uncharted, j'aime ça parce que c'est dark. Mais Christy, c'est beau, c'est clair, c'est, ouais, ouais, ouais. C'est propre, tu sais. Parce que la vie est déjà assez dure. Donc. Ouais, c'est ça, la vie c'est rough, tu sais. Il le fait métro, gris. T'sais. Il y a encore neigé, tabarnak. Ah ouais. Hein. Tu sais, un matin on s'en allait. Ça, c'est puis, bon pour moi, ouais. Ouais. Okay. Non, c'est bon pour comme toi à cause de ta bouffe. ma bouffe est dans des bacs dehors. On avait des bacs souvenirs des enfants avec le linge de bébé et les photos. Crisse tout ça sur le plancher, man. Vite, on remplit ça de place puis de bouffe. On met ça dehors. Faut qu'on mange. Sauve ouais, la bouffe. Tu sais, comme quand il manque de courant ou quand il ferme l'eau ouais. ou quand ton frigidaire saute, c'est là que tu te rends compte qu'à notre époque, t'es tellement vulnérable. Ben, mais hein. C'est l'enfer, man. Tu es comme, Chris, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, t'es en mort. T'as-tu écouté la web-série T'es en mort? Non, non, j'ai pas le temps. Mais... Ben, c'est quoi? Ben, c'est... Malaise! C'est toi? Ouais, ben, j'ai co-écrit la deuxième, troisième saison, puis c'est ça, là. C'est la neige, j'ai fini plus, puis il n'y a plus rien qui marche. J'ai pas écouté, man. T'écouteras ça, désolé. Tu vas savoir quoi faire. Moi, là, c'est toi qui as écrit ça? Je l'ai pas écrit tout seul, mais à la deuxième, troisième saison, j'ai travaillé dessus comme scénariste. Bon, la prochaine fois qu'il m'arrive une calamité. Tu as mangé des cannes de bine. Ouais, ben on est allé au McDo le soir. Là. Cela dit, d'ailleurs, je veux juste rajouter pour les gens comme moi qu'un trio Big Mac n'est pas ouais. suffisant. Non. Tu peux te rajouter un petit un Mac poulet junior. Ouais. Un junior au poulet là. Ouais. C'est la même affaire sauf que tu mets ouais. pas la salade, tu sais. Ouais. Tabarnak. Puis ça te rajoute un peu plus de bouffe dans le corps. Ouais, c'est puis ça. C'est 1,69 moins de légumes dans ton corps. Ouais. Plus de viande. Plus de moins de légumes et de pain. Hey, pendant que t'es là-dedans, là, j'ai mangé le 12 heures là. Christ, ouais. C'est pas terrible. Je sais pas, je l'ai pas vu à cette annonce-là. De poulet bouilli, ta viande, elle glisse entre tes deux miches. C'est pas agréable. Glisse dans tes deux miches. La viande te glisse dans les miches. Ouais, la glace. C'est tellement bon, les gars, sexuel, mais la viande te glisse. Je regarde ça, là, quand la viande commence à glisser dans les miches. J'ai passé la viande 15 minutes, là. Bon, j'avoue, faudrait qu'on close ça. Ah, Colin. Ah. Mais non, ben, c'était drôle. Tout, là. C'était quelque chose à dire. Peut-être que. Hein? On va conclure là-dessus. Ben oui. Des frites, t'as salé. Qu'est-ce que t'avais à dire? J'ai voulu faire un segue, mais ça n'a pas marché. Ouais, on va rappeler le Patreon. Encouragez-nous. Ouais, de la ouais. Avec des bons micros. Ouais, avec des bons micros. Puis d'ailleurs, parlant de bons micros, je vais commencer ça. Ouais. Des critiques à la maison. Puis je vais faire les critiques, entre autres, de je vais faire les critiques de Lovely Planet, qui est un beau petit first-person shooter très coloré et très violent. Puis pour le reste, ben ça va être des surprises. Twitter. Parce que si j'ai dit tout maintenant, c'est trop plate. Pour les gens qui écoutent encore et qui sont en train d'essayer le 12 heures. Service bouillie. À l'auto. Prenez pas la version bouillie, prenez la version croustillante. Ça grippe dans les miches. Ouais, c'est mieux. Ça grippe, ouais, ça reste là. Mais ouais. Oh boy. On sait qu'on a des auditeurs qui font des affaires pas claires. Ouais. Fait qu'ils sont sûrement en train on de les connaît. Junk food. Ouais, on les connaît. On les nommera pas. Watch. Sinon, s'il n'y a pas de Taco Bell, ça. Sinon, ben, la boutique, ça, là, on vous rappelle la boutique, allez sur notre Facebook en ouais. Shop Nord, la boutique. Achetez-vous du swag de Rétro Nouveau. Ben oui, ouais. Il est temps que cette région du Québec-là se fasse voir de par les gens avec du gear de Rétro Nouveau. Ben oui. Ouais. Dessus eux. C'est important. Yes. Ouais. Suivez les ventes, on va vous les annoncer sur le Facebook de Rétro Nouveau. Ouais, il y a des ventes fréquentes. Quand même, mais qui sont pas contrôlés par nous autres. Fait que, ouais, non, c'est ça. On les fait quand ça vient. Non, mais ça aide, tu sais, de pas gérer ça. Ah, ça aide beaucoup de moins ça gérer. Ça aide pas mal. Ouais, c'est clair. C'est pour mettre ta viande dans ton petit bac dehors. Là, ah, ouais, j'espère que mon chou-fleur va toffer, man. Le technicien vient demain, j'imagine qu'il fait 30 cette nuit. Ah non, mais c'est ça, il fait froid là, présentement, je suis très content, je gèle le cul, mais en même temps, je suis comme « yes ». On a fait l'épicerie la journée juste avant, 250$, le lendemain, talk, Christ, tout ça au vidange. Calique. Ça fait vraiment chier. Aïe, aïe. Ouais. Ah, ça fait que moi, j'ai une annonce à faire, en fait. Oh! Là, je suis rendu assistant gérant. Assistant gérant, oh, yeah. Montréal. Montréal. Ça fait que demain, c'est mon premier shift comme assistant gérant. Ouais. Là, je me suis dit, pour l'occasion, je vais créer un drink. Hein? C'est ça, tu crées un drink? Ben ouais, check. Il s'appelle le Ramos. C'est bien une couleur bizarre. Puis, ouais, ben, écoute, c'est j'ai... un pack en esti. J'ai mis un peu de tous les alcools possibles qu'on a. Un drink à 30$. Ça fait qu'il y a tout dedans. Là. Ça fait que tu viens ici, puis tu payes l'entrée, puis tu payes ce drink-là, puis t'es correct pour la soirée. Ouais, ça, tu bois ça, tu deviens aveugle après ça. Ouais, ça non, tu veux-tu goûter? Ouais, je vais y goûter, ok. Non, goûte pas à ça, donc. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, à la louche!